Mais ça va, t'es à l'heure, t'es à l'heure. T'es parfait. Bon, on sait qu'on a l'heure le dimanche. Bravo. Ah, tu veux faire même, passer un... Même en avance. Ouais, ouais, non, tu veux faire passer un message à JB, par exemple, qui nous rend en retard tous les soirs. Pas du tout. Attention, règlement de compte. Pas du tout, mais effectivement, le dimanche, l'émission démarre à 20h. Eh bah, tu es le bon élève. Bravo, Miko. Merci beaucoup. Et bah, rendez-vous dimanche, donc ce soir, à minuit. Exactement. Salut. Salut. Salut, Miko. Vous voulez faire de la radio avec nous? Ladies and gentlemen, please welcome... Tous les soirs. 01 42 48 5000. Love in fun. 20h, 22h. Avec Doc, Karel et Alice. Et bonsoir à tous, salut tout le monde, bienvenue sur Fun Radio, c'est Love in Fun, ça commence, on est très content de vous retrouver, j'espère que vous passez un bon week-end, je m'appelle Karel, bonsoir Doc. Salut, salut à toutes et à tous. Retour de week-end tranquille, t'as vu Alice est venue en pyjama aujourd'hui. Oh arrête, c'est, hein, bon. C'est vrai. Non mais son t-shirt est plus beau que le tien. Ah et voilà, dans tes dents. Ah bah, oui. Ah bah non mais forcément. Pas comme quoi, mieux vaut venir en pyjama finalement. Hein, tout est plus beau chez toi Alice. ça va, t'as passé un bon week-end aussi Alice? Bah écoute, oui, excellent, carrément, on était au Solidays, on a bien kiffé. Mais ouais, c'était des concerts de malade, hein, ouais, franchement. On a distribué de la capote à tout va. On a fait des heureux. Hein. C'était Kassim, le grand organisateur. Ça va, Kassim? Ouais, très bien. Kassim qui passe à l'AREA ce soir. Hein. Ouais. Tu deviens producteur réalisateur. Ah ouais, hein. Plein de casquettes. Bah, non, c'est cool. On est très content d'être avec vous. Vous allez pouvoir nous appeler, bien sûr, en appelant Guillaume, Cindy au standard 01 42 48 5000. Vous passez sur l'antenne. On devait avoir Luc, notre auditeur du soir. Il est pas là. Il vient de raccrocher. C'est pas grave. On va accueillir Samuel, 17 ans d'Albi. Bonsoir, Samuel. Salut. Ouais, salut le doc, salut Karel, salut Alice. Salut à toi, Samuel. Samuel, tu connais bien l'émission, tu sais qu'il y a YouTube ici et on écoutera ce soir Yellow Claw avec Open. Ah, alors ça tue ça. Ah, c'est bon ça. Hein. Ouais. J'ai l'impression que t'es un connaisseur, toi, Samuel. Hein. Ça va. Ça va, tranquille. Je me défends. Tu connais DJ Khaled, Justin Bieber aussi ou pas? Ouais. Ça, c'est I'm the One. Et ça va être l'un des tubes de cet été. Toi aussi, chante chez toi. On écoutera le DJ Fun Radio aussi, Mozima, Never Let You Go. Toute la soirée, hein. Appelez-nous au standard pour poser vos questions. Profitez, on a un médecin qui est avec nous tous les soirs, c'est Doc. Oui. Le seul et l'unique, 01 42 48 5000. On a donc Samuel qui veut nous parler de quoi d'ailleurs, Samuel? Moi, en fait, je vous appelle parce que hier soir, j'ai pris ma première cuite. Oui. Et j'avais deux, trois petites questions, en fait. Vas-y. Ouais. Je voulais savoir pourquoi l'alcool, ça nous rendait complètement malade quand on buvait trop. Ouais. Et pourquoi ça nous faisait faire des trucs complètement débiles. Ah. Oui, absolument, oui. Mais dis-nous comment tu as consommé pour qu'on comprenne ta première cuite. La première fois où tu bois de l'alcool. Alors non, j'ai déjà bu, mais sans plus, quoi. Ouais, alors, qu'est-ce que t'as fait? J'ai bu deux, trois verres de vodka coca, et puis après, je m'arrêtais. Ah, quand même. Oui, c'est déjà beaucoup. Et hier, t'as pris quoi, la bouteille de vodka? Non, j'ai pris sept verres de vodka coca. Ah ouais, sept. C'est ce qu'on appelle quasi, t'es pas loin du binge drinking, c'est-à-dire boire très très vite en très peu de temps. Non, j'ai bu pendant toute la soirée. Mais ah d'accord, t'as fait ça. C'est déjà première étape, déjà très bien. Ouais, ah bon? Bah oui, parce que binge drinking, c'est le coma éthylique garanti. Mais ça, c'est quoi exactement? C'est quand tu consommes hyper rapidement, genre en 30 secondes. Une bouteille en très peu de temps. Tape la bouteille, quoi. Donc entre le moment où tu as fini de consommer et le moment où ça se manifeste, il y a un intervalle libre, forcément, qui est pas très long, mais et donc là. Alors que quand tu le fais progressivement, comme l'a fait Samuel, c'est que quand même, tu commences à sentir les effets de l'alcool qui s'aggravent de verre en verre. Ouais. Et comment tu t'es arrêté? En fait, je me suis arrêté parce que bon, je commençais à avoir un peu la tête qui tourne et tout ça, et je me suis dit, j'ai pas forcément envie d'être malade, quoi. Parce que... Sauf qu'en fait, j'avais déjà trop consommé et ça m'a fait gerber pendant plus de 2 heures. Donc, ça va te donner un très mauvais souvenir. Bah ouais. Donc, t'as pas envie de recommencer, du coup. D'arriver à ce point-là, non, pas forcément. Mais faut savoir quand ça. C'est déjà pas mal. Oui. Il l'a fait pas trop mal. Les effets, bien sûr, sur le système nerveux sont importants, parce que ça va jusqu'au coma, ça modifie la perception, ça modifie l'action, ça libère aussi l'inhibition, ça désinhibe, c'est-à-dire que d'un seul coup, tu te crois capable de tout faire. Ça peut libérer une agressivité, donc c'est une action sur le système nerveux. D'autres vont être très, extrêmement aimables, se marrer, rire tout le temps. Ouais. Et surtout, le gros risque, c'est prendre, justement, risquer sa vie parce qu'on ne sait pas ce que l'on fait. Le plus gros, meilleur exemple, c'est évidemment la conduite en état d'ivresse. Je contrôle, je vois bien tout ça. Bon, boum, d'accidents à la clé. Ah, c'est violent. Il y a aussi d'autres accidents, comme des chutes accidentelles. Il y a un manque de conscience. On perd un peu conscience de voilà, on perd les pédales. Mais c'est vrai et, que et ça va jusqu'au coma, bien sûr. Quand on commence, quand on boit un petit verre, ça monte tranquille. Le deuxième, ça monte tranquille. Bon, et après, ça... suivant si on tient l'alcool ou pas, quoi. Mais quand tu commences à prendre le quatrième, le cinquième, tu sens qu'il y a un moment donné où il faut que tu t'arrêtes, quoi. Sinon, après, t'es complètement bourré. Sous l'Empire, le chirurgien de l'empereur, dans les armées, il y a une bouteille de Newell complète pour opérer les mecs. Ah ouais, carrément. Ils étaient complètement bourrés. Ils ne sentaient absolument plus rien. Ah, on n'a plus aucune sensation. C'est mon cœur. Et donc, on peut subir des interventions extrêmement graves sans avoir de douleur. Ah ouais. Oui. Enfin, on sent très peu la douleur. Ça, c'est fou, ça. D'autre part, ça déshydrate. Donc voilà, ça, c'est la deuxième explication pourquoi j'ai la gueule de bois. Mais moi, je te réponds, Samuel, parce que tu es déshydraté. Mmh. Donc, il faudra boire autant d'eau, il faut en rajouter par cette saison, que d'alcool. C'est-à-dire, si tu bois... J'ai mon collègue qui m'a dit de boire énormément d'eau après. Ouais. Le problème, c'est que j'étais tellement, tellement mal que ben, je pouvais rien manger ni boire. Quoi. Bah, tu pouvais pas. Oui, mais attends, c'est au fur et à mesure qu'il faut boire de l'eau. C'est pas, après, voire avant. D'accord ? D'accord. Parce que l'alcool déshydrate. Petite question, Doc. Je suis sûr qu'il y en a plein qui se sont posés cette question. C'est-à-dire que tu vas en boîte, tu bois, allez, un chouïa de trop parce que tu passes plus l'autotest, tu vois. Donc du coup, comment est-ce qu'on peut faire pour que l'alcool soit moins dans le sang, en fait, une fois qu'on a bu un petit peu, faut attendre. Plus lentement, oui, il faut attendre, il faut y aller doucement. Une consommation progressive te fait sentir les effets, donc à un moment donné, il faut quand même savoir s'arrêter et pas se mettre minable, comme vous dites. On a Luc, notre auditeur du soir. T'es là, Luc ? Ouais, je suis là, ouais. J'étais sur la route, je captais plus. Mais c'est pas grave, Luc. T'es un Marseillais ? Ouais, c'est ça, le petit accent et tout. Là. Pastis. Ça picole aussi à Marseille, hein. Ah ouais, ça picole dur, hein. Tu le Ricard et tout, le jeune. Est-ce que tu te souviens de ta première cuite, toi? Comment est-ce que tu l'avais vécu? Très bien. Enfin, très bien, ça dépend comment on le voit, en fait. J'étais chez moi, avec mes parents, enfin ma famille en tout cas, ma mère, mon beau-père, tout ça. Ouais. Et j'ai bu comme un trou, sauf que je me suis retrouvé sous les genoux de ma mère, en train de me faire grimacer les cheveux, et avec un accent de Homer Simpson. Ça change votre voix, ça change votre perception visuelle, tout change avec l'alcool. C'est vraiment une action. Ah, ça a tout changé chez moi. Et chaque personne réagit différemment, quoi. Avec des degrés. Oui, mais enfin, la bonne cuite reste la bonne cuite. Hein. Et d'ailleurs, Alice, tu nous as toujours dit que toi, si tu bois, mais genre un tout petit peu d'alcool, t'es complètement bourré. Ouais, je supporte vraiment pas l'alcool. Et la première fois que j'ai bu, un verre de vodka, je me souviens plus du tout de ma soirée. J'ai fini, on était en camping avec des potes et j'ai vomi dans ma valise, quoi. Donc, non, clairement. Ah ouais, non, non, mais en fait, c'est ça. Même deux bières. Vomir dans les valises des potes, ça aurait si seulement. Mais non, ça m'a paru familier. Je me sentais bien dans cette valise. C'est chez moi ici. Mais deux bières et je me sens dans un autre monde, quoi. Ça. Ok, qu'on apporte une bière. Non. Alors, ça, c'est les gens un peu heureux d'une certaine façon parce que l'alcool a un effet très rapide et donc ils limitent naturellement leur consommation. Et juste dernière question, rapidement, Doc, je sais que ça va intéresser tout le monde. Pourquoi il y en a qui résistent mieux à l'alcool que d'autres? Ça, c'est génétique. Les Slaves. En Bretagne, on est bon. Une bouteille, oui. Enfin, quand on a les accidents du week-end. Bon, et ça, je suis d'accord. Ça, c'est sûr. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Voilà, mais les Slaves, par exemple, peuvent boire une bouteille de vodka. Ah ouais, putain. Elles tiennent debout. D'accord. Voilà, c'est l'existence, ça va être génétique, je pense, je ne sais pas. On doit venir d'eux, je pense. Ça, c'est sûr et certain. Samuel, qu'on ne t'y reprenne pas, hein, d'accord? La prochaine fois, tu mets quelques verres en moins et tu fais juste la fête tranquille, quoi. D'accord? Ah bah ouais, c'est ce que je veux faire parce que j'ai pas envie de faire quoi, en fait. Bah ouais, bien sûr. Tu reviens quand tu veux, Samuel. Salut à toi. Ça marche. Et remets-toi bien. Hein. Un peu d'aspirine, ça va te faire du bien. Ou un bon McDal. Hein. C'est vrai, le McDo, putain, okay. Lendemain de cuite, ça va. Du paracétamol, un gramme, c'est bien. Voilà. Et Alicia est avec nous, 17 ans de Calais. Salut Alicia. Salut tout le monde. Salut à toi, Alicia. Tu nous appelles pourquoi? En fait, je voulais savoir comment on faisait pour faire une branlette espagnole quand on n'avait pas de poitrine. D'accord. Ah bah voilà. Comment faire une branlette espagnole sans sein? Restez avec nous! On vous dit tout dans un instant! On va tester d'ailleurs, restez avec nous! Comment ça, t'es pas d'accord, Alice? Ah bah moi je suis totalement d'accord! Ah bah elle est d'accord! On va écouter Becca Matt avec Baby, à tout de suite sur Fun Radio, Love in Fun! Suivez-nous sur Snapchat en tapant Love in Fun Radio. La radio numéro 1 sur les nouveautés Dance Electro, c'est Fun Radio. Edia. Jadid. Kygo et Ellie Goulding. Robin Schulz et James Blunt. It's gonna be okay. It's gonna be okay. La radio qui joue le plus de nouveautés. C'est Fun Radio. Le son Dance Floor. Ce super bon plan KFC du mardi. 13 tenders pour seulement 6,95€. Je pourrais partager avec Ben ou Amélie. Ou pas. Ouais, plutôt pas même. Tous les mardis chez KFC, 13 tenders pour seulement 6,95€. À partager ou pas. Pour votre santé, évitez de grignoter. Dis, tu veux faire des économies? Ah bah oui. En ce moment chez Bouygues Télécom, oui. Tu peux profiter de la Bbox Miami plus un forfait mobile pour seulement 14,99€ par mois. 14,99€? Mais c'est un prix... Exceptionnel, comme moi. Nouveau chez Bouygues Télécom, profitez de l'offre Special Box plus forfait mobile à 14,99€ par mois pendant un an, puis 35,98€. Appelez gratuitement le 3106. Location box 3€ par mois, engagement 12 mois. Bbox Miami avec un forfait biennio 24-24 20 mégas. Offre soumise à conditions et éligibilité. Fun Radio, partenaire de l'Amnésia au Cap d'Agde. Cet été. Retrouvez tous les DJ Fun Radio avec des lives exclusifs en direct de l'Amnésia. Martin Solveig, Sébastien Ingrosso, Nervous, Feder, Robin Schulz. Et pour la première fois, une résidence Pardon My French les lundis avec Mala, Mercer, Chami et DJ Snake. Les plus grosses soirées de l'été sont à l'Amnésia au Cap d'Agde. Et c'est avec Fun Radio. Le son Dance Floor. Je ne me souviens pas de l'accident. Juste d'avoir dit que c'était une mauvaise idée de prendre la voiture après tout ce qu'on avait bu. Je me souviens des minutes interminables à attendre coincé dedans. Des gyrophares, du bruit des sirènes, de Julien, la tête sur le volant, de l'odeur de son sang et du visage de ses parents à l'enterrement. Aujourd'hui, ça fait 7 mois que je suis en rééducation, à me battre pour remarcher. Quand on tient à quelqu'un, on le retient. Sécurité routière, tous touchés, tous concernés, tous responsables. Les meilleurs DJ de la planète vous donnent rendez-vous les 13, 14 et 15 juillet pour l'Electro Beach 2017 avec Fun Radio. Electro Beach. Cashmere. David Guetta. Armin Van Buren. Yellow Claw. Don Diablo. Martin Solveig. Nervo. Et bien d'autres. Réservez dès maintenant vos places en vous connectant sur electrobeach.com et funradio.fr. Make some noise! L'Electro Beach 2017, les 13, 14 et 15 juillet à Port Barcarès, c'est avec Fun Radio. Le son Dance Floor. Electro Beach. 20h, 22h. Sur Fun Radio. Tous les soirs en direct sur Fun Radio du dimanche, jeudi, 20h, 22h, Love in Fun. Et d'ailleurs, mercredi, ce sera la dernière émission de Love in Fun avant les et vacances. Oui. On fera une spéciale vacances si vous souhaitez d'ores et déjà y participer. 01 42 48 5000. Il y aura des surprises et des invités. On écoute Baker Matt. Baby. Burma Baby sur Fun Radio. Du sexe, de l'amour et du fun. Love in Fun 20h, 22h sur Fun Radio. Il y en a plein en ce moment qui ont la chance d'être en vacances. Hein. Profitez bien tout le monde. Pensez pour ceux qui vont passer aussi des examens. Là, en ce moment, il y en a plein, notamment le brevet qui arrive à la fin du mois. Bon courage à vous tous. Tu te souviens de ton brevet, Doc ? Je ne l'ai pas passé, moi. Ah ouais ? Ah, ça n'existait pas à l'époque ? Si, mais bon. Ouais, je m'en foutais. C'est génial. Genre, t'es putain de rebelle, quoi. Bah, à quoi ça sert ? Ah ouais. Non, mais c'est vrai. C'est vrai que ça sert à rien, le brevet. Ça sert à quelque chose ? Non, mais il y a 60 ans, 70 ans, avec le BEPC, tu pouvais... Il y a des gens qui allaient dans l'administration et qui étaient pris comme premier degré à genre administratif et puis qui progressaient. Ils avaient le BEPC. Et donc, voilà, ils pouvaient... briguer des postes dans l'administration. Maintenant, avec le bac, tu ne peux même pas briguer quelque chose. Maintenant, pour être professeur des écoles, il faut un master 2. Ouais, c'est vrai. Avant, avec le bac, tu étais après... normal, tu étais professeur des écoles ou instituteur en 2 ans. Maintenant, non. Il faut un master 2 et donc bac plus 6. Le brevet... Et après, tu peux passer le concours. Oui, c'est ça. Mais le brevet, ça t'aide quand même un petit peu à avoir une première expérience comme ça, de passer un espèce de concours, quoi. Ouais, bien sûr. Bah, en tout cas, bon courage à vous. Donc, sachez, hein, comme l'a dit Doc, le brevet ne sert à rien. Donc là, c'est tous les gens qui étaient en train de bosser et tout. Oh putain, faut que je révise. Non, Doc, il a dit non. Non, mais je pense que c'est obligatoire. Ouais, t'as pas le choix. Et puis, c'est un contrôle continu et tout. En tout cas, bon courage à vous. Alicia est avec nous, 17 ans de Calais. Salut, Alicia. Salut tout le monde. Salut Alicia. Raconte-nous alors, quelle est ta question, toi ? Moi, je voulais savoir comment on faisait pour faire une branlette espagnole quand on n'avait pas de sein, parce que moi, ça fait un an que je suis avec mon copain. Et du coup, on voudrait essayer, sauf que sachant que je fais un bonnet A, c'est un peu pas pratique, quoi. Et même en serrant avec tes mains et tout ? J'ai pas essayé. Du coup, je vous demande des conseils. C'est ça. D'accord. Non, mais un bonnet A, il y a un petit peu de sein, donc, si on serre au niveau des seins pour les rapprocher. Il n'y a surtout pas que la branlette espagnole. Ah, il y a la cravate. Ni la cravate de notaire. C'est quoi une cravate de notaire, Karel? C'est quand t'es assis, en fait. C'est ça, hein? Qui est assis? C'est le mec qui est assis, et puis la nana, elle vient devant toi, elle présente ses boobs, et puis elle s'occupe de... Non, c'est la fille qui est assise. Ah bon? Et toi, tu t'assieds sur elle, et tu mets tes... Voilà. Ah ouais? Ça a l'air dur, ton truc. C'est une cravate de notaire. Ah mais j'ai jamais fait, moi. J'ai encore des choses à découvrir. Un notaire pour savoir si... J'appellerai un notaire. Alicia. Oui. Tu frappes à la bonne porte. Ici, on va te donner les meilleurs conseils. Déjà, première chose, qu'est-ce qu'une branlette espagnole, quand même, Doc? Il faut expliquer cette pratique. Alors, effectivement, c'est une activité érotique, puisqu'il n'y a pas de pénétration, qui consiste à frotter le sexe masculin entre les seins de la jeune fille ou de la dame. À une condition, c'est quand même qu'il y ait effectivement un peu de volume. Voilà, c'est ça. S'il n'y a pas de volume, en fait, il n'y a pas de branlette espagnole, Alice. Non, il n'y a pas, oui. T'as une technique Une technique ? Écoute, quand t'as pas spécialement pas beaucoup de seins, déjà, il ne faut pas se mettre sur le dos. Ouais. Parce que nos seins ont tendance quand même à s'étaler. Donc, c'est pas le must. D'accord. Bonnet A, c'est plat de chez plat. C'est pour ça. Je pense que le mieux, ça serait à la limite de le faire que ton mec soit allongé sur le dos et que toi, tu le fasses finalement à quatre pattes. Comme ça, déjà, t'as les seins qui sont au max, puisqu'ils sont censés un petit peu pendre. Et tu t'aides de tes mains. Je pense que c'est ça. C'est un vrai cours de gymnastique. Non, mais je pense que c'est ça, la technique. C'est que finalement, tu as une main de chaque côté de tes seins et tu resserres le tout. Et tu peux t'aider aussi de tes mains pour la masturbation. Je pense que pour lui, ça lui changera rien. Finalement, c'est pas le fait que tu le masturbes avec tes seins. C'est finalement la vision du truc qui va l'exciter. Donc, même si tu triches un peu avec tes mains, je pense que ça va pas le déranger. D'accord. Et une branlette au niveau des aisselles. Oui, ça marche, avec les cuisses aussi. Ouais. Tu te la mets sous le bras, c'est ça? Tu la mets sous le bras. Je vais dire, faut bien trouver une technique. Après, Alicia, nous, on t'a donné le maximum. Hein. Ou alors, une opération chirurgicale qui te permettra d'avoir de nouveaux seins. Ouais, je vais faire ça, du coup. T'as quel âge? Ça coûte cher pour une branlette, quand même. J'ai 17 ans. Mais je sais qu'il y a des chirurgiens esthétiques qui ont opéré des filles avant 18 ans. L'autorisation des parents, moi, je suis pas d'accord. J'avais compris comme ça, je parlais pour les filles en général. J'avais compris que pour toi, c'était une plaisanterie. C'est un truc sympa à faire, c'est vrai. Après, c'est pas l'essentiel. Hein. Je sais pas ce que t'en penses, Luc, notre auditeur du soir. La branlette espagnole, t'as une meuf, toi, déjà, ou pas, Luc? J'en ai plusieurs, ouais, mais... Marseillais. C'est ça, t'en as plusieurs. Marseillais, donc ça veut dire... Si déjà t'en as une, c'est déjà pas mal. Ça veut dire deux. Ça veut dire deux. Donc t'as deux copines en ce moment? Voilà, une un peu éloignée de l'autre, tu vois. Mais en sinon, fait, c'est compliqué. Là, il y en a moins une qui t'écoute ce soir. Non, j'ai rien dit à personne. D'accord. Ouais. Alors, comment tu fais, toi, pour les branlettes espagnoles? Est-ce que c'est un truc que t'aimes bien? Ouais, sans plus. Mais après, je pensais pour elle, si elle a pas de sein, elle peut le faire entre les fesses, ça peut marcher. Entre les fesses, ouais, enfin, c'est quitte à être à ce niveau-là, autant pénétrer ta partenaire. Ouais, c'est ça, à mon avis. Non, non, sans toucher le point sensible. Ah, ouais. Ok, bah, écoute, Alice a pas l'air emballée, on va pas valider. Luc, tu restes avec nous. Alicia, t'as eu plein de petits conseils en tout cas, et c'est quand même la technique d'Alice, la doc là, d'accord? D'accord. On te fait une grosse bise, Alicia. Bisous. Bisous sur les seins. Salut. On va prendre des nouvelles, c'est qu'on aime bien faire ça hein, dans l'émission, on prend vos news. Et Thibaut, 17 ans de Lyon, est avec nous. T'es là, Thibaut? Ouais, salut Karine, salut Doc, salut Alice. Salut. Alors Thibaut, il avait fait un petit coup de pute. Hein. Il avait mis du jus d'ananas dans le dentifrice de son frère. Oh. Et en fait, ton frère est allergique. Il fait des aftes dans toute la bouche. C'est l'horreur, le pauvre. Il passait un examen, je me souviens, mais c'est l'horreur. Ouais, carrément. Doc était énervé. On va entendre tout ça et puis savoir s'il s'est vengé ou pas derrière. D'accord, Thibaut? Ça marche. Allez, tu restes avec nous. On écoute Yellow Claw qu'on adore ici à Fun Radio. Voici Open dans Love in Fun. Let's take a moment and see how far we can explore. Body to body, you just let me open your door. Bottle rockers are blowing, hands are exploring. Position myself how you like. Whiskey makes me controlling. Énorme, hein. Yellow Claw Open sur Fun Radio. Jusqu'à 22h. Love in fun. Du sexe, de l'amour et du fun sur Fun Radio. 01 42 48 5000, c'est le numéro de téléphone pour nous appeler. On parle de tout dans cette émission, c'est ça qui est bon. Et chaque soir, c'est différent. Vous venez avec toutes vos questions. Vous nous parlez aussi de votre vie. Hein. N'hésitez pas, hein. 01 42 48 5000. On va prendre des news de Thibaut qui est avec nous. Salut à toi, Thibaut. Salut. Salut Thibaut. Alors, toi Thibaut, raconte ce que tu avais fait comme sale coup à ton frère. Alors en fait, moi ce que j'avais fait, c'est que j'avais mis du jus d'ananas en fait dans le dentifrice de mon frère. Ouais. Parce que je savais que ça lui faisait des aftes. Ouais. Et en fait, le truc, c'est que bah du coup, je l'avais appelé en direct pour lui avouer que c'était moi qui l'avais fait parce que le lendemain, il avait plein d'aftes dans la bouche. Et c'est surtout qu'en plus, il avait un examen oral. Ouais, en plus, oh, hein, c'est ouais. Bon. Et tu le savais ça. Et tu le savais. Oui, je le savais. C'est pour ça que je l'ai fait exprès. Ouais, d'accord. Tu voulais en plus qu'il rate son examen. Mais non, c'était drôle. Voilà. Oui, et Doc était pas content. On va réécouter ce qui s'était passé à l'antenne et puis on va savoir ce qui s'est passé après aussi le passage à l'antenne. Je trouve qu'il a du mal à parler, il a dû se passer quelque chose. Hein. Ouais, écoutez. Il a fait ça juste pour faire une crasse, quoi. C'est un petit coup de pute, quoi. Le bâtard. Tiens, comme ça, je vais m'amuser. Allô ? Ouais, Paul, c'est moi. Ouais. Ouais. Excuse-moi, là, je t'appelle rapide. Du coup, tu sais, là, par rapport à tes aftes, là, que t'as dans la bouche et tout, là. Ouais, mais ouais. Ouais, y a un petit problème, en fait, je sais pourquoi t'as ça. Pourquoi j'ai ça? De quoi tu parles? Bah, je sais pourquoi t'as des aftes, là, plein la bouche, quoi, parce que c'est un peu de ma faute, quoi. C'est ta faute? Pourquoi c'est ta faute? Parce que, je voulais te faire une crasse parce que comme tu me fais chier souvent, bah je me suis dit que j'allais te faire chier. Et j'ai mis du jus d'ananas dans ton dentifrice. Tu te fous de ma gueule là? Mais non, mais c'était juste, tu vois, pour faire rire un peu, tu vois, ça m'a bien fait marrer en plus. C'est pas drôle du tout. J'ai la bouche en feu. J'ai eu un oral aujourd'hui, Non mais ça te fait rire en plus. C'est tellement drôle. Non, c'est pas drôle du tout. Les parents, ils vont pas kiffer du tout quand on va leur raconter ça. Tu vois pas qu'aujourd'hui, j'ai eu un oral, que je les ai adoptés comme un con, que j'ai mal, j'en ai de partout. T'as foutu... Attends, mais... T'as fait ça hier soir? Ouais, j'ai fait ça hier soir. Et attends, c'était trop drôle quand j'ai vu ta tête, là. D'accord. Ok. Super. Bonne vanne. Très bien. J'étais content, mais... Ouais, c'est vachement drôle. Ouais, c'est vachement drôle. J'espère que j'en aurai pas encore demain, que ça va pas en avoir de partout encore. Mais le pauvre, le petit problème. Thibaut qui se marre, sans déconner. Bonsoir Paul. Thibaut, t'es complètement irresponsable. Ah ouais, ouais. Mais attends, il y a un truc. Attends, il y a des Thibaut. Degrés dans les choses. Ah, et tu me laisses parler. Oui, mais moi je te laisse pas parler, non, parce que t'as fait le con. Et que tu peux détester. C'est qui là? T'es en direct sur Fun Radio dans la Une Fun. Et ton frère. Qui est un peu couillon, ça je le reconnais, savait ce qu'il faisait, savait que ça déclenchait ça. Alors, rien que pour t'embêter, en plus, ça avait un examen, a mis du ananas. Il nous appelle pour nous raconter ça. Alors, évidemment, on ne lui a pas fait de compliment. C'est assez dramatique. Bravo, Thibaut, bravo. Non, c'est pas une vanne du tout. Je trouve ça absolument dégueulasse. Voilà. Oui, sauf qu'il faut préciser à mon frère parce qu'il est tellement con qu'il faut pas qu'il se relave les dents avec le même dentifrice parce que demain il les aura toujours. Ah, parce que maintenant il va donner des conseils. Et Thibaut, il va donner des conseils maintenant. C'est extraordinaire. Bah, ouais, c'est ça. Alors, Paul, tu l'as bien compris, on est sur Fun là, hein? D'accord, t'es dans... j'ai reconnu un peu ta voix. Ouais. T'es dans Love in Fun et bah voilà, Thibaut voulait s'excuser, mais alors nous, il n'y a pas ça, à s'excuser, c'est stupide. Il faut quand même s'excuser. Thibaut, qu'est-ce que tu as à dire à ton frère, à ton grand frère Paul? Excuse-moi, moi j'ai trouvé ça drôle et puis voilà. Je trouve pas ça drôle. T'inquiète pas. Écoute, dans quelques semaines, c'est moi qui appellerai Fun et puis. C'est moi qui m'excuserai de la crasse que je t'aurais fait, t'inquiète pas, hein, y a pas de problème. Quand tu vas rentrer, tu vas prendre cher, mon pote. Là, tu vas lui péter la gueule. Ah, Doc était pas content, hein. Mais nous, ça nous a fait quand même marrer. Bravo, Thibaut, bravo. C'est trop bon, ça. Non, c'est tout ça. Bon, bref. Alors, Thibaut, qu'est-ce qui s'est passé après? Alors, ce qui s'est passé, en fait, mon sac de cours était chez moi, en fait, jeudi soir, quand j'étais chez mon pote. Ouais. Et le truc, c'est que le lendemain matin, quand je suis venu chercher mon sac chez moi, je me suis dit, ouais, il m'a pas fait de crasse et tout. Sauf que je suis allé en cours, et quand j'ai ouvert mon sac, ce bâtard, il m'avait chié dedans. Oh non, arrête. Ah ouais, putain, ça plaisante pas dans la famille. C'est énorme. Genre, t'avais de la merde dans ton sac, quoi. Voilà. Sauf que du coup, j'ai jeté le sac. Ouais. Et le soir, j'ai fait le bâtard aussi. J'ai été voir les parents, je leur ai dit, tout expliqué. Ouais. Et au final, moi, mes parents ont pris ma défense et lui, il s'est fait niquer. Clairement. D'accord. Donc, le caca était plus fort. tes parents ont validé le fait que tu mettes de l'ananas dans le dentifrice. Tu l'as pas dit, ça. Oh, ils étaient un peu du même avis que moi. Ils ont pris ça à la rigolade. Mais par contre, chier dans le sac, ils n'ont pris ça à la rigolade. Doc, il voit les dangers, lui, tu vois. C'était dangereux, quoi. Ouais, tu t'es retrouvé dans la merde. Ah ouais. Ouais, Thibaut. Ouais. Thibaut, juste petit détail. Il y en avait partout dans le sac, sur toutes tes affaires. Bah ouais, sur l'agenda, sur partout. Ah putain. Et ça va, c'est un beau caca moulé ou pas? Ouais, j'ai pas trop regardé. Avec les AF, ça a dû déclencher un peu de diarrhée. Ah ouais, non, mais forcément, bien sûr. T'as été récompensé, en tout cas. Bah merci, voilà. Merci Thibaut. Ça donne des idées de bonnes, hein, entre frères et sœurs. Il a été très vite, surtout le frère. Hein. Ah ouais, il a réagi, il était vénère aussi. Hein. Ouais, mais bon, maintenant ça va mieux, c'est le principal. Voilà, hein. Il a plus d'AF, ça a duré deux jours, hein, et puis c'est passé. Et bah voilà, et bah, tout est bien. T'as changé d'agenda? Qui finit bien. De quoi? T'as changé d'agenda? Oui, bah non, c'est bon, c'est la fin maintenant. Ouais, c'est vrai, en même temps, c'est la fin des cours. Salut à toi Thibaut, merci d'être passé pour nous avoir annoncé un petit peu la suite là. Salut Thibaut, et il y a Barbara là qui nous appelle. Faites comme Barbara pour passer sur l'antenne, 01 42 48 5000. Salut Barbara. Salut tout le monde, salut. Bonsoir Barbara, t'as 17 ans, t'es à Clermont-Ferrand, tu nous appelles pourquoi? J'appelle parce que je suis maman d'une petite fille et j'ai toute ma famille contre moi. D'accord, parce que t'as 17 ans, tu viens juste d'avoir cette petite fille ou pas? Non, elle va avoir 9 mois le 15. D'accord, et c'est pas évident à gérer avec ta famille. On va t'aider, on va en parler dans un instant. Si vous voulez réagir, hein, appelez-nous. Et en attendant, c'est DJ Khaled, Justin Bieber sur Fun Radio. We the best music. Another one. DJ Khaled. Yeah, you're looking at the truth, the money never lie. No, I'm the one, yeah. I'm the one early morning in the dawn. No, you wanna ride now. I'm the one, yeah. I'm the one, yeah. Hear you sick of all those other imitators. Don't let the only real one intimidate ya. See you watching, don't run out of time now. I'm the one, yeah. Ooh, ooh, ooh, ooh. I'm the one, yeah. Ooh, ooh, ooh, ooh. I'm the only one, yeah. Ooh, ooh, ooh. I'm the one, yeah. Ooh, ooh, ooh, ooh. I'm the only one, yeah. And you're looking at the truth, the money never lie. No, I'm the one, yeah. I'm the one early morning in the dawn. No, you wanna ride now. I'm the one, yeah. I'm the one, yeah. Hear you sick of all those other imitators. Don't let the only real one intimidate ya. See you watching, don't run out of time now. For the one, what bitch you looking at the one? I'm the best yet, and yet my best is yet to come. Cause I've been looking for somebody, not just any fucking body. Don't make me catch a body, that's for any and everybody. Oh my god, she hit me up all day, get no response. Bitch, you blow my heart, that's like turning gold to bronze. Roll my eyes, and when she on the molly, she a zombie. She think we Clyde and Bonnie, but it's more like Whitney Bobby. God forgive me, don't you ever mess, and I'm a legend. Straight up out the crescent, fly your bae down for the essence. For the record, truth, the money never lie. No, I'm the one, yeah. I'm the one early morning in the dawn. No, you wanna ride now. I'm the one, yeah. I'm the one, yeah. Hear you sick of all those other imitators. Don't let the only real one intimidate ya. See you watching, don't run out of time now. I'm the one, yeah. Another one. Don't you know, girl? Don't you know, girl? I am the one for you. I'm the one. Yeah, I'm the one. Don't you know, girl? Don't you know, girl? I am the one for you. I'm the one. Yeah, I'm the one. Don't you know, girl? Don't you know, girl? I am the one for you. I'm the one. Yeah, I'm the one. Don't you know, girl? Don't you know, girl? I am the one for you. I'm the one. Yeah, I'm the one. DJ Khaled, Justin Bieber sur Fun Radio. Tous les soirs, 20h, 22h. Love in Fun sur Fun Radio. Tous les soirs, on est là, hein, du dimanche au jeudi. Pas de répit, et toujours en direct, bien sûr, au standard 01 42 48 5000. Ça va, Alice? C'est une bonne salade, oui, ce très, soir très, très bonne, je te remercie. Hein, on se restaure, hein, comme vous tous, hein, qui nous écoutez. Bien sûr, on a Barbara qui est avec nous, elle a 17 ans, de Clermont-Ferrand. Bonsoir, Barbara. Bonsoir. Salut à toi. Raconte-nous, t'as une situation un petit peu complexe, toi. Hein. Oui. En fait, je suis tombée enceinte à 16 ans et demi. Oui. J'ai 17 ans et ma mère, à 17 ans, voulait me faire avorter parce que bah, pour elle, c'était pas normal que j'aie un enfant. Donc, elle, pour elle, c'était pas voulu. Oui, est-ce que tu peux, juste t'interromps, mais est-ce que tu peux parler un tout petit peu plus fort dans le téléphone? Oui. Oui. J'ai accouché à 17 ans. Oui. Et à l'heure d'aujourd'hui, ben, je vis pas avec le papa parce que ma mère a fait des trucs. Elle m'a D'accord. envoyé les gendarmes à 2 semaines de naissance de ma fille. Oui, pourquoi faire? Parce qu'elle dit que le papa de ma fille la maltraite, qu'elle a des bleus et tout ça. Alors que c'est pas vrai. D'accord, donc il y a une enquête sociale. Alors, je rappelle, première chose, pour toutes celles et tous ceux qui écoutent, on ne peut pas contraindre une adolescente d'avorter, qu'elle soit d'accord. On ne peut pas demander, c'est même interdit par la loi, dire à quelqu'un, tu dois avorter. C'est condamnable. Bien sûr. Et heureusement. Mais en revanche, effectivement, faire tout pour celles qui le souhaitent, ça, c'est la loi française, c'est comme cela. Donc, du coup, parce que là, il faut quand même qu'on comprenne, t'es mineur, t'es pris en charge comment, par qui, tu restes chez ta mère, tu fais quoi? Actuellement, je vis chez mes parents, mais... Donc, t'es restée enceinte, pendant toute la grossesse, t'es restée chez ta mère? Oui. D'accord. Et tu as accouché, tes parents t'ont recueilli? Oui. D'accord. Donc, tu élèves ton enfant chez tes parents? Oui. D'accord. Tu n'as pas demandé d'aide, t'as pas eu droit... j'ai les péricultrices, l'assistante sociale... Donc, tu es bien entourée et ils ont pu constater que ton enfant n'était pas maltraité? Oui. Okay. D'accord. Bon, et maintenant, parce qu'on imagine au quotidien, comment ça se passe, puisque tu vis chez tes parents, donc tu côtoies tes parents au quotidien, comment ça se passe? C'est dur, parce que quand je veux sortir toute seule avec ma fille, j'ai ma mère derrière moi, ou mon beau-père. Quand je veux sortir avec une copine, faire un après-midi, j'ai pas le droit de sortir. C'est compliqué. Parce que ils doivent garder l'enfant, en fait, c'est ça? Oui. Ouais. D'accord, ils ne veulent pas t'aider, c'est évident. En fait, ce qu'a voulu ta mère, c'est par le biais de sa plainte, de déposer plainte ou de faire un signalement pour dire que ton enfant était maltraité pour que ton enfant soit placé, c'est ça son but? Oui, c'est ça qu'elle veut, oui. Oh là là, d'accord. Sauf que la loi française, heureusement, est bien faite. Il y a une enquête sociale, je le rappelle, ouais. qui est faite et sérieusement faite. Et si les personnes qui interviennent chez toi ne constatent pas cela, ça peut se retourner contre elles. Juste pour comprendre, tu as une allocation mère isolée, j'imagine? Je suis encore déclarée avec le papa, en fait, parce qu'on est encore en couple et on ne vit pas dans la même maison. J'ai bien compris, mais tu es mère isolée, tu touches une indemnité, des allocations, quelque chose? J'ai le RSA, oui. Tu as le RSA, oui, d'accord. Très bien. Et qu'est-ce que tu fais? Tu veux apprendre un métier? Tu as appris un métier? Tu veux faire quoi? J'avais commencé un CAP en restauration. Ça m'a pas plu parce que c'est pas dans ce que je veux faire. Comme j'étais enceinte, j'ai arrêté. Et là, en fait, j'envisage de reprendre mon CAP dans la filière où je veux être. Quelle filière? La service restauration. Service restauration. Et qui s'occupera de ton enfant alors si tu es en études? Ouais. Après, il y a le papa qui est actuellement pas de travail ou grand-mère, ma belle-mère en fait, qui peut s'en occuper. Il a quel âge, le papa? Il a 19 ans. D'accord. Donc en fait, moi, je vais te donner un conseil très clair. Il faut effectivement, parce que tu vas être majeur en plus, donc tu vas pouvoir décider toi-même, trouver l'endroit dans ta famille, dans sa famille, où les gens sont bienveillants et ont une véritable gentillesse avec toi, sans te juger et sans effectivement te pourrir la vie. Ça, c'est la première étape. Ensuite, oui. Bien sûr, pour faire des études, il n'y a pas de souci, il y a des crèches pour garder l'enfant, et si tu n'as pas de revenus, bien, on en tient compte, donc tu es prioritaire a priori. Tu devrais pouvoir l'être. Et à partir de là, tu peux effectivement élever ton enfant. Juste pour que... parce que c'est vrai qu'il y a 16 millions de jeunes filles dans le monde de 15 à 19 ans, et 1 million de jeunes filles de moins de 15 ans qui ont des enfants chaque année dans le monde. Dans certains pays, c'est très jeune. Oui, mais dans des pays où les choses sont beaucoup plus graves, c'est-à-dire où il y a des revenus extrêmement faibles et où il n'y a pas d'aide. Alors chaque année, il y a 3 millions de jeunes filles qui subissent des avortements à risque, en plus. Dans les endroits où ce n'est pas autorisé. Donc, c'est vraiment la prévention d'importance. Mais toi, la seule chose que j'ai entendue, et je voudrais que tu me confirmes, tu avais décidé d'avoir un enfant. Oui. Voilà. C'est-à-dire que c'est volontaire. Mais pourquoi si jeune, Barbara, 17 ans, c'est quand même super jeune, quoi? Oui, c'est ce qu'on m'a dit, mais j'adore les bébés, j'ai fait du babysitting, j'ai des contacts avec les enfants que je n'ai pas avec mes frères. D'accord. Et moi, j'ai voulu, en fait... avoir des contacts là, mais d'accord, avec mon propre enfant à moi. Je comprends très bien. Qu'est-ce que tu réponds aux gens qui disent « Oh, mais c'est de la folie, t'as pas les moyens, tu gagnes pas ta vie », qu'est-ce que tu réponds à ces gens-là? J'ai pas souvent ces critiques-là, on me dit que je suis trop jeune et que j'aurais pas dû faire ces bêtises-là, mais je leur dis que clairement c'est mon choix à moi et au papa et que je ferai tout pour me subvenir aux besoins de ma fille. Je fais des travails quand je peux, quand je peux, là où je travaille en stage. D'accord. Voilà. Et donc ton bébé, c'est pas dur pour toi? Tu te lèves la nuit, tu t'en occupes, enfin, parce qu'il y a quand même des contraintes? Pas du tout, non. Parce qu'en général, je m'endors pas avant qu'elle se soit endormie. Et comme là, maintenant, elle fait ses nuits, Elle a 9 mois, elle marche à 4 pattes, elle se déplace? Elle marche debout. Elle commence déjà à marcher debout. Ah ben, elle est pas en retard. Hein. Ben voilà. Après, à 9 mois, elle marche, elle n'est pas en retard. Ouais, c'est pas mal. Généralement, c'est au bout d'un an. Bien occupée. Oui, mais bon, ça veut dire qu'en tout cas, elle a une bonne stimulation à la maison. Voilà. En tout cas, Barbara, on te souhaite bon courage. C'est vrai, même maintenant qu'elle est là. Hein. Et puis, à 18 ans, tu fais ton choix toi-même, puisque ta mère ne pourra plus rien t'imposer. Et même là, actuellement, j'ai un compte où je ne peux pas toucher à l'argent. J'ai que 100 euros pour moi, pour me rhabiller et tout ça, et 200 euros pour ma fille, et après le reste, je ne peux pas y toucher. Oui, mais elle ne peut pas y toucher non plus, elle. Eh bien, ça, je n'aime pas. Ah ouais? Ah, attends, alors attends. T'en déconnes. Attends, elle a une signature. Non, je suis désolé, si ce que tu dis est vrai, ça mérite que ce soit signalé auprès des autorités. Elle ne ça peut a pas... été déjà fait parce que quand j'ai été justement à la gendarmerie, parce qu'ils m'ont fait faire des photos et tout ça, et j'ai signalé dans mon rapport qu'il y avait des manques de sommes qui. Ce n'est pas des toutes petites sommes, c'est 300 euros. Carrément, elle se sert et tout. Oui. Bon, c'est vraiment pas cool. Faut que ça s'arrête. Eh bien, il faut que tu vois une assistante sociale, quelqu'un comme ça, il faut que tu le signales. Bah, j'ai déjà quelqu'un, mais à chaque fois que j'ai l'assistante sociale au téléphone, ma mère est forcément obligée de vouloir lui parler, elle est forcément obligée de pleurer à l'assistante sociale. Quand j'ai mes rendez-vous à moi avec elle. Tu es majeure quand? Le 30 août. Eh bien, c'est bientôt, tant mieux. Ouais, non, mais exactement. Oui. À partir de là, t'es pas sous tutelle ou curatelle? Non, mais c'est ce qu'elle veut faire. Alors là, il faut. Alors, je te le dis tout de suite. C'est quoi, tutelle et curatelle? Ça veut dire que toutes les dépenses vont être contrôlées par sa mère, mais le curateur doit aider, il ne doit pas restreindre. Il doit faire en sorte qu'elle pique dans les sous, en fait. C'est le contraire. Si elle fait ça, elle peut être condamnée. Ouais. Et d'ailleurs, on demande en France aux tuteurs et curateurs de prendre une assurance en cas de malveillance. Ouais. Parce qu'ils peuvent effectivement être eux-mêmes condamnés très sévèrement. Il y a une enquête qui doit être faite et je pense que le juge des tutelles et des curatelles ne tombera pas dans le piège. Bah, plein de toi plein de te défendre et de dire la réalité. Ouais. On te fait des gros bisous, Barbara. Et merci de ton témoignage. Je te rappelle quand tu veux, si t'as un truc je à dire. Je peux passer une dédicace? Ouais, vas-y, lâche-toi. Je fais une dédicace à mon chéri qui a sûrement dû m'écouter. D'accord, et bon, on embrasse. Ah oui, monsieur. Bon courage à tous les deux. Merci beaucoup. Salut Barbara. Et un petit message d'Elena là, qu'on a reçu sur les réseaux sociaux. C'est parti, Alice. Alors en fait, il y a quelques jours, elle a eu un orgasme alors que son mec lui embrassait juste le cou. Et du coup, elle se demande si c'est normal. Et on vous pose la question ce soir, est-ce qu'il y a une partie du corps qui vous excite, bien sûr, autre que le sexe, hein, parce qu'on s'en doute. Ah, lâchez-vous. Franchement, il y en a qui kiffent les pieds, par exemple. Ouais, mais qui peuvent avoir un orgasme que quand on leur touche les pieds. Et ça, c'est assez dingue. Ou les oreilles aussi, beaucoup. Ah ouais, bah dites-nous quelle est la partie de votre corps là qui vous excite carrément. 01 42 48 5000. Moi, ce qui m'excite, c'est quand j'entends Moziman. Never let you go. Dans 3 minutes, on vous le passe. À tout de suite. Suivez-nous sur Facebook. La page Love in Fun. Bruno dans la radio. 6h-9h sur Fun Radio. Tiens, on vous demandait si vous aviez des surnoms un peu chelous quand vous étiez petit. Il y en a plein là qui arrivent avec le hashtag Bruno Fun Radio. DJ Evenmore qui dit moi, on m'appelait chemin de fer à cause de mon appareil dentaire. Ah, putain, classique, ça c'est un classique. Ouais. Mais ça c'est hyper cruel, tu sais, quand c'est au lycée ou au collège et tous les surnoms qu'on peut te donner, franchement c'est pas cool. Moi j'ai eu parabole parce que j'avais les oreilles décollées. Et Moi j'étais la piste noire parce que j'ai un nez qui est tout tordu, alors du coup on m'appelait, parce qu'il a une bosse mon nez, on m'appelait la piste noire. Cela dit, j'ai déjà descendu ton nez à ce pas si facile. Bruno dans la radio. Bruno revient demain sur Fun Radio. Ce super bon plan KFC du mardi. 13 tenders pour seulement 6,95€. Je pourrais partager avec Ben ou Amélie. Ou pas. Ouais, plutôt pas même. Tous les mardis chez KFC, 13 tenders pour seulement 6,95€. À partager ou pas. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés. Ouais, et là j'arrive dans la soirée, il y a Will Smith qui me voit, tu vois, il me dit je peux t'embrasser et tout sur la bouche et tout. Fais gaffe, t'as les radios là. Ah, salut, c'est Eric et Quentin. Bah, juste pour vous dire d'aller voir le film Bad Buzz au cinéma. Salut. Et alors après avec. Ouais, après, et genre il m'a emmené chez lui, il m'a dit tu veux un cocktail? Et j'ai dit ouais. Un cocktail? Ouais, un cocktail, il m'a dit. Ah, il est trop fort. Il embrasse bien? Ouais. Bad Buzz, actuellement au cinéma, avec Fun Radio.

20h, 22h. Sur Fun Radio. Et bienvenue sur Fun Radio. Si vous venez de débarquer dans les voitures, là, en rentrant d'un petit week-end, là, dimanche soir, là, la cool avec vous tous, vous toutes. Il y en a qui sont aussi à la maison tranquille, il y en a qui bossent, il y en a qui révisent, il y en a qui glandent, qui sont en vacances. Merci d'être avec nous, d'écouter Love in Fun tous les soirs du dimanche au jeudi. Il y en a beaucoup qui snap aussi avec des petites photos, des petits snaps, là, bien cool. Je les ouvre en direct, hein. C'est parti. Il y a Looper qui nous envoie un petit message que je n'arrive pas à lire. Il y a, alors, c'est Steve qui nous envoie une petite photo de lui avec Hey, ça va? Ça va pas mal, Steve, merci beaucoup. Emilio, qui commente la tenue d'Alice, qui dit « En pige, au calme, dans le studio de Fun Radio ». C'est vrai qu'aujourd'hui, Alice est venue en pyjama. Oui, bah ça va. Moret qui nous dit qu'il a eu un chat ce week-end, nouveau membre de la famille. Bienvenue à lui. Il y a Jean qui nous envoie un petit message qui dit « J'espère que vous allez bien. Je vous fais un coucou de Nemours dans le 77. Malheureusement, je ne peux pas vous suivre jusqu'à 22h ce soir. Je peux jusqu'à 21h seulement. » Donc ça va, il nous écoute là. Et je suis triste que vous preniez des vacances. Je vais faire quoi entre 20h et 22h maintenant? Bah, il y aura plein de choses, forcément, t'inquiète pas. Il y a aussi un dernier petit message que je voulais lire. Anna qui nous envoie son message. Est-ce que c'est possible d'écouter du Calvin Harris ce soir? Ouais, carrément, elle révise le brevet là en plus. On verra ça là tout à l'heure, un petit Calvin Harris. Et puis là, on va parler de ce message qu'on a reçu également d'Elena sur les parties du corps qui excitent de ouf. Ouais, c'est ça. En fait, il y a quelques jours, Elena, elle a eu un orgasme alors que son mec était juste en train de lui faire des bisous dans le cou. Et du coup, elle s'est demandé si c'était normal, comment ça se fait que ça lui avait provoqué ça. Donc, on vous pose la question ce soir si vous aussi, vous avez des parties comme ça du corps qui vous font orgasmer, dirons-nous. Ah bah oui. Non mais alors, il y a les zones érogènes primaires et secondaires. Donc, oui, c'est qui, d'habitude, déclenche les orgasmes. Chez les filles, chez les oreilles, chez les garçons, c'est la verge. Ah oui. Mais tout l'orgasme peut se déclencher de différentes manières. C'est, voilà. Mais pendant le sommeil, il n'y a pas forcément une stimulation clitoridienne, il y a des orgasmes très très forts. Et après, voilà, par l'imagination. Tu parles du clitoris chez la fille, du sexe chez le mec, mais il y a des... La verge. Ouais, la verge, y a, le gland par exemple, c'est carrément plus sensible que l'autre partie de la verge. Ah bah, sûrement, oui. Ah oui. Je pense caresse. Que tous les garçons le savent. Le gland est le prépuce pour ceux qui en ont encore. Voilà, c'est ça, donc caressez-nous le gland. Dommage. Alors... pour ceux qui n'en ont plus. Quoi. Bah oui, ça c'est vrai, on leur coupe, c'est ça. Hein. Bah oui, bon. Ça t'a déjà coupé des verges, Doc? C'est petit, oui, bah, à la demande de, dans certaines circonstances. Il a déjà coupé des verges et il vous parle. On a Alison qui veut nous parler de sa zone érogène. Salut Alison. Salut tout le monde. Alors Alison, est-ce que si on touche à un endroit, tu décolles? Alors moi, ça va être plutôt quand mon copain, il commence à passer avec sa bouche au niveau de mes jambes et de mes cuisses, en fait. Que ce soit extérieur des cuisses ou intérieur des cuisses, sans parler d'arriver à l'entrejambe, ouais. Mais vraiment l'intérieur et l'extérieur des cuisses. D'accord, et là c'est chaud là. Ouais, avec sa lèvre, je sais pas comment ça se passe et qu'est-ce qu'ils font pour que, voilà. Mais vraiment, le contact de la lèvre sur ma peau, comme ça, c'est ouais, horrible. Donc quand il veut te pécho, il te fait une petite caresse à cet endroit-là et hop, tout de suite... Bah pas direct, hein, mais disons que oui, c'est... C'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Ça la laisse de marbre, elle n'a plus rien à dire. Elle y repense. Elle est dans tous ses états. Mais, l'extase après l'orgasme. Mélissa à Chambéry. Salut Mélissa. Salut. Toi, il y a une zone comme ça qui t'excite? Alors moi, c'est le cou. Enfin, normal, c'est les bisous. Et après, c'est tout ce qui est papouille, aux cheveux, au bas du dos, cuisses et bras. Ah bah c'est partout en fait. Ouais, il y a pas mal d'endroits là. Ouais. D'accord. Au bas du dos, juste à côté des fesses. Bah, le dos, mais plus côté rein et bah, voilà. Justement, le bas du dos. Et un petit doigt dans le cul, je dis ça. Je ne sais pas. Il faut savoir que quand vous avez une stimulation, qu'elle soit génitale ou extra-génitale, c'est vrai qu'à ce moment-là, ça remonte au cerveau. Et le cerveau va envoyer un message de plusieurs intenses qui va entraîner des contractions. Donc c'est vrai qu'il y a un déclenchement cérébral de l'orgasme, sinon on ne le ressentirait pas. Non mais je parlais de l'anus parce que c'est une zone érogène, hein, bien sûr. Pour certains, oui. Ah bah oui, forcément. Jen est avec nous. Salut Jen. Salut l'équipe. Salut Jen. Toi tu es de Metz. C'est ça. En Lorraine, comme Alice. Ouais. Comme moi. Ah, salut. Bah, on vous laisse. Ah, salut. On vous laisse toutes les deux. Vas-y, pose la question. Bah écoute Jen, alors toi c'est quelle partie de ton corps qui te fait un peu vibrer? Alors moi c'est pas compliqué quand mon chéri, quand je ne veux pas le soir faire le câlin, mon chéri commence à me masser le bas du dos. Là c'est... Voilà, exactement. Et s'il me papouille un petit peu le pli poplité, c'est fini. Ah oui, le pli poplité, c'est ça? C'est ça. C'est le quoi? Le creux des genoux. Oui, voilà, exactement. C'est drôle, ça, c'est un peu insolite comme endroit. Le pli poplité. Oui, mais ça déclenche au niveau cérébral une très forte excitation pour elle, pour des raisons totalement inconscientes, mais réelles. et qui vont effectivement déclencher un orgasme. Oui. Et toi, Alice, c'est quoi Moi, alors, c'est le cou. Alors, le cou, beaucoup de personnes, c'est vrai que ça me fait vachement d'effet. Et les fesses aussi. Voilà, le cou, les fesses, et puis, bah, bien sûr, le reste. Bah, tout le reste, ouais. Non, mais c'est vrai. Kassim, c'est quoi, toi? Moi, c'est les tétons. Les tétons? Ah ouais, quand je me branle et que je me touche les tétons, je vais en deux secondes. Oh genre, le mec se touche ses propres tétons. Bah ouais, ah, c'est horrible. Ouais, bien sûr. Et toi, Doc, je suis sûr que c'est ton nez. Ah non, moi, j'ai pas de pratique particulière, je suis assez classique. Mais il y a quand même un endroit, t'es un peu plus sensible qu'un autre au toucher. Moi, tout mon corps est sensible. Bien sûr. Non, mais ce que j'aime, c'est d'abord avec qui tu le fais, comment tu le fais. Katoche. Parce que n'importe qui ferait ça, ça ne marcherait pas. Elle te lèche, Katoche, des fois, bien sûr. Qu'est-ce que tu dis? On l'embrasse très fort. Non mais vraiment, notre auditeur du soir, Luc. Moi c'est le bas du ventre. Ouais. Mais j'ai croisé une fille un jour, c'était un peu bizarre le délire. Elle voulait se faire doigter le nombril, quoi. Et tu sais, tourner dans le nombril, tout ça, ça va être chelou, quoi. Ah putain. Chelou. Ça c'est dégueulasse. Ouais. Ça déclenche chez elle beaucoup de plaisir, mais pourquoi pas? C'est drôle. C'était assez bizarre. Non, mais j'ai fait une fois pour faire plaisir, puis après j'ai dit c'est bon, on se voit plus, c'est fini. Ah ouais, non mais c'est trop bizarre. Ah ouais, putain, tant que t'essayes pas de pénétrer le nombril, ça. Oh putain, t'imagines. Mets ta verge dans mon nombril. Oh non. Trop non. Bizarre. Moi, je connais quelqu'un de vue qui sait se sucer, donc. Le voilà alors. Ah, le fameux. Attends, tu as quelqu'un dans tes amis qui est capable de s'autofélationner. Non, pas mes amis. Non, pas mes amis. Ah, il assume pas. Un gars que je connais de vue. Hein. Ouais, d'accord. Tu l'as vu faire peut-être. Non, mais il raconte à tout le monde. Il a dit à des bons collègues à lui qui me l'ont dit après. Donc, d'accord. Mais Doc nous avait dit dans l'émission que c'était possible de se faire des fellations. Dans certains cas, il faut une extrême souplesse. Il y a même des maladies qui entraînent une grande souplesse. Et il y avait une légende urbaine qui disait que certains mecs s'étaient enlevé 2-3 côtes pour pouvoir le faire. C'est possible, peut-être. Mais c'est un peu stupide. Enfin bon. Ah oui, non, carrément. Je passe son corps comme ça. Bah, bien sûr. Il y a des réactions sur les réseaux sociaux, les zones érogènes, Alice. Alors, il y a Nico qui dit les oreilles, ça me rend ouf. J'ai déjà joui grâce à ça. Chloé, les seins, je suis hyper sensible. Je frôle l'orgasme à chaque fois. Et Laurine, c'est le ventre et les mains. Et toi, tu nous as pas dit, Karen. Ah bah, moi, quand on fout sa langue dans mon oreille, putain, je suis comme un dingue. Mais la question est, qui fait ça? Qui va jusque-là? le nettoyage des oreilles. Non, mais en fait. Avec la langue. Tu sais comment j'ai appris ça, en fait? C'est parce que grâce à ton chien? Non, mais il y avait le chien de ma mère, un petit Yorkshire. Non, mais attends, c'est comme ça. Il y avait le chien de ma mère, un petit Yorkshire, il commence à te lécher tout partout, et puis à un moment donné, il tâche l'oreille, et puis là, tu sais, je me dis, oh putain. Pékinois, détends-toi. Non, mais je n'ai rien fait avec des animaux, mais. Mais voilà, tu me demandes, et puis le coup surtout, sinon je vais passer pour un mec chelou. Bah, merci tout le monde, Alison. Bah, attends, ça va, on s'est tous fait lécher par un chien. Alison, Mélissa, Jen. Enfin, on n'a pas découvert notre sexualité grâce à ça, nous, tu vois. Ce qui est très très important, c'est de dire aux partenaires justement ces zones sensibles pour qu'ils puissent les découvrir. C'est essentiel de le dire parce qu'il ne va pas forcément découvrir tout seul. Bravo Doc, merci à tout le monde en tout cas. Et on continue d'en parler, si vous voulez réagir, allez-y. 01 42 48 5000. Dans un instant, on va écouter l'un des meilleurs défis Fallait pas demander de l'année. On va se faire plaisir là pour la dernière semaine forcément. Avec les meilleurs défis Fallait pas demander de l'année. Vous restez bien avec nous, c'est dans 3 minutes. Donc forcément, ce sera génial. Vous bougez pas et on écoute le DJ Fun Radio. Moziman, Never Let You Go dans Love in Fun sur Fun Radio. All my faith, all my love in a pile. Light it up, things I'd burn to keep you warm, and in the storm, I'll never let you go. reste. Ouais. DJ Superstar, DJ Fun Radio, Mozima, Never Let You Go. Du sexe, de l'amour et du fun. Love in Fun. 01 42 48 5000. Love in Fun. Sur Fun Radio. Et bonsoir à tous, si vous venez d'arriver là sur Fun Radio, c'est Love in Fun. On est là tous les soirs du dimanche à jeudi, 20h, 22h. Le numéro pour nous appeler, débarquer à l'antenne en direct pour parler de ce que vous voulez, c'est le 01 42 48 5000. Bien sûr, il y aura du chiffre d'Alice. D'ailleurs, ce soir, on parlera de quoi, Alice? Ce soir, on va lancer un débat qui va être: est-ce que sexter, c'est tromper? C'est-à-dire flirter par message, envoyer des photos un peu sexy. C'est un sacré voilà. Bon début. Et voilà. Ouais, ça. Mais c'est. Ça se termine toujours pareil. Le mec qui fait ça, c'est qu'il n'est pas satisfait et qu'il a besoin, ou la fille d'ailleurs, d'aller voir un peu ailleurs. Et puis après, bien sûr, par cette excitation. Voilà, on a déjà deux points de vue. Pas du tout. Donc, participez au débat. On a compris que Karel le faisait régulièrement. Mais non, mais c'est juste. Très bien. C'est voilà, juste pour draguiller comme ça, sans importance. Ouais, c'est ce que tu draguiller fais. Mais bien sans sûr, importance. Non, mais voilà, tu testes et puis tu fais juste ça pour le kiff, pour le fun, pour la confiance. Je sais pas. On va en parler tout à l'heure. En tout cas, dites tout ce que vous en pensez. Et puis, je vous rappelle que mercredi, on va faire la dernière émission avant les vacances. Là. Et si vous voulez y participer, vous pouvez nous appeler au 01 42 48 5000. J'espère que tu seras à l'écoute, hein, Luc de Marseille, notre auditeur du soir. Ah non, pas de soucis, moi j'écoute. Hein. Je sais pas si tu es au courant du phénomène là, en ce moment, la mode claquette chaussette. Ouais. Et c'est Alrima. Alrima qui chante ça, il sera avec nous. C'est pas mon cas. Il sera avec nous, ça va être à mon avis très sympathique. On viendra tous en claquette chaussette. Oui. Même Doc viendra en pyjama, il nous a dit. Non, pardon, en maillot de bain. Absolument. Tout à Marseille. J'ai confondu avec la tenue d'Alice d'aujourd'hui. En tout cas, restez bien avec nous. Et si vous souhaitez participer à l'émission Love in Fun at funradio.fr. En attendant, meilleur défi, fallait pas demander, de l'année. Et là, c'est du lourd puisqu'on réécoute le meilleur du meilleur. On a vu Tom, 22 ans de Paris, qui nous avait appelé dans l'émission, qui devait énerver Kevin en lui disant: je ne serai pas témoin à ton mariage parce que j'ai couché avec ta femme. On réécoute, c'est parti. Allô? Oh frérot. Ouais, c'est qui? Ouais, c'est Tom gros. Oh, pourquoi tu m'appelles en privé? Ah, je t'appelle avec mon fixe. Ah ok, c'est bon quoi? Ouais, ça va et toi? Bah tranquille, on est là. Hein. Ouais, c'est dit quoi? Eh hey gros, le mariage, gros, ça avance de ouf. Eh, franchement, c'est vrai? Eh ouais, gros, de ouf. Elle me tarde, hein, gros, tu vas voir. On va passer un vrai bail. Ah, ouais, gros, par contre, justement, là-dessus, j'ai un souci, en fait. De quoi tu tiens? Bah, genre, t'as vu, tu m'as demandé d'être le témoin de ton mariage et tout, et en fait, c'est normal, gros. Je peux pas, gros. Non. Mais pourquoi, t'es ouf, t'as n'importe quoi. T'es malade, en fait, toi. Non, gros, je te jure, ça me fait chier de te dire ça, mon gars, c'est dur gros, mais en fait si tu veux l'année dernière, t'as vu, avec Steph on est super proches et tout. Et dernière gros, on a couché ensemble. Les gars? On a couché ensemble. Vas-y gros, arrête tes conneries. Non mais justement gros, c'est... La merde. Hey, gros, c'est... Non. Non gros, la tête de ma mère, je te jure, la tête de ma mère gros, je pouvais pas le garder pour moi, tu vois. Déjà tu m'as demandé d'être le témoin de ton mariage. Depuis que tu m'as demandé gros, j'arrête pas de penser à ça et tout. Il y a un moment, j'ai dit, vas-y, faut que je lui dise, c'est pas possible, tu vois. Je suis pas une pute, je suis pas une salope. Non, je suis pas une salope, c'est pas possible. C'est pas vrai. Bah, si tu l'as fait, c'est que t'es une grosse salope. Et elle aussi. Non, mais, enfin, voilà, façon de parler, gros, elle m'a chauffé, je sais pas, on était bourrés, gros, c'est parti en couille. C'est de la merde que tu racontes, c'est pas vrai. Non, gros, je te jure, c'est vrai. Je te jure, je vais l'appeler, je vais lui demander, hein. Appelle-la, gros, demande-lui, tu vas voir. Steph C'est quoi cette histoire là avec Thomas là? C'est quoi cette histoire avec Thomas? T'as couché avec? De quoi on va te faire foutre, c'est pas vrai. Mais gros, ça sert à rien de lui demander, elle dira pas la vérité mon gars. Eh la tête de ma mère, dis-moi la vérité. Dis-moi la vérité. Vas-y, non, gros, je vais pas rigoler avec toi. Viens là. T'as rien de rigoler. Je vais pas rigoler avec toi moi. Dis-moi la vérité. De quoi, j'ai pas assez, mais t'es sérieuse, mais vous êtes sérieux, mais la tête de ma mère, vous êtes sérieux, mais t'es vraiment qu'une grosse pute, une espèce de grosse salope. Mais tu sais quoi, ton mariage, tu vas te le foutre dans le cul, espèce de grosse connasse. Et toi, espèce de petit PD. Et toi, espèce de grosse merde, t'es où? T'es où, toi, espèce d'enculé? Je suis chez moi, gros, je suis chez moi. Ah, t'es où? Mais vas-y, viens, viens me voir, viens me voir, viens me voir. Viens, vas-y. Je vais te monter en l'air. Vas-y, barre-toi, prends tes affaires, barre-toi. Prends tes affaires, barre-toi, la tête de main, barre-toi. T'es sérieux dans ta vie, mais vous êtes sérieux aussi. Bande de Kevin que vous êtes. Kevin, quoi? Mais quoi? Mais Kevin, là, t'es enculé, c'est qui derrière là? Mais qu'est-ce que tu veux, toi? Mais qu'est-ce que tu veux? Bonsoir, mais Kevin. Kevin, oui, écoute-moi. Bonsoir, je me présente. Ouais. Je m'appelle Karel, tu es en direct sur Fun Radio. Oh putain. Tu viens de te faire piéger par ton pote Tom. Oh là là. Oh l'enculé. Oh là là. Il a démarré comme une voiture en hiver. Oh, il est chaud, il est chaud, patate. Quand il est parti, eh oui, tu viens de te faire piéger mon poteau Kevin, là, dans toute la France. Oh putain. Tout le monde t'écoute. Et il était en train de demander à sa copine en plus. Tu m'as. Je t'aime, mon amour. Excuse-toi auprès d'elle. Tout de suite. Je t'aime, mon amour. Et t'as vu ce que tu lui as dit, quoi? Ah bon? Sans déconner. Ah ouais, mais attends. Tu l'as insulté, tu t'excuses là, vas-y. Ah mais passe, non, tu nous la passes deux secondes. Tu nous la passes. Bébé, on t'appelle. Tout de suite là. On t'appelle, viens. Il va falloir qu'il se rachète grave. Ah, bah oui. Ah bah là. C'est Stéphanie, c'est ça? Oui. Bonsoir Stéphanie. On est désolé parce que franchement, il t'a insulté, mais c'est incroyable ça. Ça lui arrive parfois ça? Ah, mais après, quand il est énervé, il ne se contrôle pas. Mais bon, ah bah oui, ah bah, et voilà, bah, t'es en direct il sur Fun Radio. Il a du mal. T'es en direct sur Fun Radio. Alors la bonne nouvelle, quand même, c'est que Tom, il gagne son drone. Aïe, aïe, aïe. Ah putain, c'est bon, alors, ça. Et Tom, tu sais quoi? On va même en offrir un à Stéphanie, je pense. Ah bah oui. Elle le mérite. Je pense qu'il faut, ouais. Eh bah voilà, tout le monde repart avec du cadeau. Et avec des bisous. Gros bisous, Stéphanie. Merci, tout le monde. Salut. Bon, allez. Salut Kevin et salut Tom, bravo à toi. Ciao. Fallait pas demander. Dans Loving Fun. Sur Fun Radio. 01 42 48 5000. Thomas est avec nous, 20 ans d'Agen. Salut Thomas. Salut Doc, salut Karel, salut Alice. Salut. Salut à toi Thomas, on va parler de quoi avec toi dans un instant? Alors voilà, moi j'ai mon plan cul qui est amoureuse de moi. Ok, oui, ça c'est le problème du plan cul qui finit par s'attacher. On écoutera aussi Major Lazer. Now No Better sur Fun Radio. Avec l'ancienne chanteuse de Fifth Harmony, Camila Cabello, et il y aura aussi JD in the morning. Yeah. On revient tout de suite là sur Fun Radio. Réagissez à l'émission sur Twitter, hashtag LovinFun. Le vrai faux du soir spécial coutume insolite. Vrai ou faux au Mexique, lorsqu'on se cogne le petit orteil sur un coin meuble, on crie aïe Pépito. Est-ce qu'on est contente d'arriver à 22h? On est contente d'arriver à 22h. Ouais. L'idée est bonne, hein, mais ça marche pas à tous les coups. Hein. Ouais, c'est pas faux. Marion et Anso, 22h minuit. Night Show. Sur Fun Radio. Sur Fun Radio. Dis, tu veux faire des économies? Ah bah oui. En ce moment chez Bouygues Télécom, oui. Tu peux profiter de la Bibox Miami plus un forfait mobile pour seulement 14,99€ par mois. 14,99€? Mais c'est un prix... Exceptionnel, comme moi. Nouveau chez Bouygues Télécom, profitez de l'offre Special Box plus forfait mobile à 14,99€ par mois pendant un an, puis 35,98€. Appelez gratuitement le 3106. Location box 3€ par mois, engagement 12 mois. Bibox Miami avec un forfait biennio 24-24 20 mégas. Offre soumise à conditions et éligibilité. Ce super bon plan KFC du mardi. 13 tenders pour seulement 6,95€. Je pourrais partager avec Ben ou Amélie. Ou pas. Ouais, plutôt pas même. Tous les mardis chez KFC, 13 tenders pour seulement 6,95€. À partager ou pas. Pour votre santé, bougez plus. Les meilleurs DJ de la planète vous donnent rendez-vous les 13, 14 et 15 juillet pour l'Electro Beach 2017 avec Fun Radio. Electro Beach. Cashmere. David Guetta. Armin Van Buren. Yellow Claw. Don Diablo. Martin Solveig. Nervo. Et bien d'autres. Réservez dès maintenant vos places en vous connectant sur electrobeach.com et funradio.fr. Make some noise! L'Electro Beach 2017. Les 13, 14 et 15 juillet à Port Barcarès, c'est avec Fun Radio. Le son dance floor. Electro Beach. Love in Fun. Love in Fun. 20h, 22h. Sur Fun Radio. Back to me sur Fun Radio. In du sexe et du fun. 20h, 22h. Sur Fun Radio. 01 42 48 5000, c'est le numéro pour nous appeler. C'est gratuit, on vous rappelle en plus. Hein. Allez-y, 01 42 48 5000. Thomas, Thomas est avec nous, il a 20 ans, il est d'Agen. Bonsoir Thomas. Bonsoir. Salut Karel, salut Ali, salut Doc. Salut. Salut. Salut Thomas, salut, bienvenue sur Fun Radio. Alors, raconte Merci. Un petit peu, qu'est-ce qui t'arrive là? Alors voilà, moi j'ai un problème, c'est en fait j'ai mon plan cul. Ça fait 3-4 mois qu'on est ensemble, enfin plus ou moins. Ah, et en attends. Fait, t'es pas problème, avec, c'est ton plan cul. Non, on n'est pas avec, je suis juste plan cul. Et le problème, c'est qu'en fait, elle est super amoureuse de moi et moi pas du tout, j'ai aucun sentiment. Et vous voyez souvent? Ouais, on se voit assez souvent. Alors qu'est-ce que tu comptes faire? Alors, moi, on m'a dit de couper les ponts. Oui. Sauf que, de temps en temps, un petit coup... L'enfoiré. Non, ouais. Sérieux, Thomas, je sais que c'est le jeu, mais le deal, justement, à la base, vous l'avez fait ou pas, le deal? Le contrat plan cul? Ouais, on a fait carrément, on a tout mis au clair, mais le problème, c'est qu'elle veut vraiment aller plus loin Il y en a toujours un qui s'attache. Faut tout arrêter, ouais, faut arrêter de la voir. Mais le problème, c'est qu'en fait, je vais dans des lieux où elle est souvent là et on se croise assez souvent, du coup... Attends, ça va. Ouais, mais se croiser, c'est pas pareil que faire l'amour, quand même. Faut arrêter de penser avec cette hub, hein, sérieux. Ouais, mais et le problème, c'est qu'elle est vraiment à fond sur moi, elle m'envoie tout le temps des messages, et... Et toi, tu es faible, espérer. C'est la faiblesse. Mais tu lui dis quoi? Parce qu'elle te voit, elle te raconte plein de choses, elle te fait des grandes déclarations d'amour, tu dis quoi, toi? Mais moi, je lui dis que je suis pas du tout partant. Je mets clairement les choses au clair, et... Une fois que tu dis ça, une fois que t'as tiré ton coup... Voilà. Ouais. Ouais, bah avant, tu le dis pas. Non mais c'est ça. Et elle rigole en plus. C'est la faire souffrir parce que elle s'imagine que en ayant un petit peu de sexe avec toi, ça va te faire changer d'avis. Et au final, elle perd son temps. Je vais te dire, si elle est pas maso, ça va pas durer longtemps. Si elle a un petit côté masochiste, elle va se faire du mal. Bah elle va continuer à se faire du mal. À toi d'être honnête. Écoute, est-ce que t'as envie de faire du mal à quelqu'un? Ben non, bien sûr. Ben, dans ces cas, tu prends ta main gauche et tu vas ailleurs, quoi. Ouais. Ou droite. Enfin, droite, ce que tu veux, mais bon. Non, mais tu peux aussi te retenir. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose. À ce moment, tu dois vraiment penser au moment où tu n'es pas excité et où tu n'as pas donc, d'attirance pour elle. Et non, je sais, à ton âge, c'est normal, dès qu'une fille s'approche et qu'elle a un peu envie, toi, tu montes tout de suite, quoi. Moi, ça m'est déjà arrivé ce genre de situation avec une nana avec qui ça se passait plus très très bien et tout. Et franchement, ce que je faisais, c'est juste avant d'aller au rancard, je me tapais une petite branlette et j'avais plus envie après. Ouais, c'est vrai, ça coupe toutes tes envies. Surtout si t'y vas que pour le cul, quoi. Excuse-moi, mais... Bah après, c'est elle qui propose, mais t'es victime. Mais elle propose parce qu'elle te kiffe et qu'elle veut tout faire pour gagner encore un peu de temps avec toi, mais plus t'acceptes, plus elle espère au final, donc ça sert à rien. Moi, je te trouve un peu passif dans l'affaire, d'une certaine façon. Et profiteur. Et profiteur en même temps, oui. Ça, c'est sûr. Mais t'es un peu comme Luc, notre auditeur du soir, hein, de Marseille, qui nous a dit qu'il avait deux copines, hein. Ouais, c'est compliqué. En plus, je te plains, c'est vraiment dur pour toi. Deux femmes, vraiment. Vous êtes des victimes. Non mais les deux là, vous êtes des vraies victimes. Ouais, non mais Luc, comment tu fais pour t'organiser? C'est deux plans cul ou pas, toi? Non, c'est deux copines. C'est deux. Ça rime à rien. Oh là là. Peut-être amoureux de deux filles en même temps. Il y a une vraie copine, on va dire. Ouais. Et l'autre, c'est plus un plan cul, mais l'autre, le problème, c'est qu'elle martèle. Et je la croise en bois, tout ça, elle m'a harcelé au moins, sans déconner, elle m'a harcelé au moins 20 fois. Ah, quel bug. C'est normal, je viens chez elle. Tu sors avec? Non, enfin, c'est bizarre, c'est une relation bizarre, elle veut plus, moi je veux plus, je veux pareil, je veux pas plus, enfin, c'est vraiment bizarre. Mais c'est pas une relation bizarre, t'es comme beaucoup de mecs, dès qu'une fille vient vers toi... T'as une érection immédiate et t'as qu'une envie, c'est de te libérer. Donc t'es un peu faible. Moi j'ai une théorie sur le plan cul. Je pense que c'est juste un one shot en fait, un plan cul. C'est. Non, c'est amusé. Tu le fais une fois, comme ça après y a pas de problème quoi. Bon, moi je pense que la pierre d'angle c'est je n'ai pas envie de faire du mal à quelqu'un. Donc quand j'agis comme ça, je lui fais du mal. Donc je ne le fais pas. Quelle belle pierre d'angle, Doc. Ok. Ok, ça roule. Alors t'as qu'à aller voir une autre fille, débrouille-toi. Et Thomas, fais gaffe à ta gueule, hein, sinon Doc il va venir. D'accord. Ça marche. Ok. Hein, ça on n'énerve pas Doc. Attention. Bah oui, non mais c'est pas. Je pense à la fille surtout pas. Ouais, exactement. Et ça c'est une bonne décision. Salut à toi Thomas. Salut l'équipe. Ciao et Luc, on en pense pas moins de ta part. Salaud. Ouais. Grâce. Non mais. On va te balancer. Non mais. Tu vois, à la fin de l'émission, elle va dire je suis toujours puceau. Hein, je suis sûr. 01 42 48 5000. On va parler de ton chiffre ce soir, Alice, dans un instant. Et on va parler des mecs qui sexto, hein, c'est ça. Qui sexto. Je sais pas des comment. Des mecs sextote, et des meufs. Sextote. Voilà, c'est ça, exactement. Des mecs, mais aussi des meufs qui finalement envoient des sextos. Et est-ce que selon vous, sexter, c'est tromper? Et en plus, ce soir, on aura des sextoys Lélo à offrir à toutes les réactions. Est-ce que sexter, c'est tromper? Est-ce que sucer, c'est tromper aussi, tiens? D'après la loi, non. Non, là, c'est. Est-ce que sexter, c'est tromper? Dites tout ce que vous en pensez, là. On veut tous vous entendre. 01 42 48 5000. Et Major Lazer, c'est le nouveau Now No Better, Fun Radio. It's looking like it been dipping that. Script looking like it been flipping that. Pull up in that for my God. Whole squad getting that. Please say it ain't true. I had to go and cop to hell. Now we can't fit in that. Wild ones, like we fresh out the cage. Showtime, baby. Fresh off the stage. Bad little mama, fresh off the page. Front like you love, but you know that you hate it. Yeah, you know no better. Yeah, you know no better. Yeah, you know no better. Ooh. Yeah, you know no better. Say you're different. Who you kidding? Yeah, you know no better. Ooh. Say that talk for the ones who don't know no better. Cause baby, I know you better. Cause baby, I know no better. Baby, I know you better. Baby, I know. Baby, I know you better. Dropped off on my whip. Whipping that yellow and the purple on mix. Mixing that, mixing that, mixing that. Got my bitch from the tropics. Yeah, you know where she sitting at. Taking shots, pouring bottle at the bottle at the bottle. Hell no, we ain't sipping that. Wild ones, like we fresh out the cage. Showtime, baby, fresh off the stage. Bad little mama, fresh off the page. Front like you love, but you know that you hate it. Yeah, you know no better. Yeah, you know no better. Yeah, you know no better. Ooh. Yeah, you know no better. Say you're different. Ooh, you're kidding. Yeah, you know no better. That talk for the ones who don't know no better. Cause baby, I know you better. Cause baby, I know no better. Baby, I know you better. Baby, I know. Baby, I know you better. On the chips, damn. Ice cream gave her chills. Ice cream. Too much cash pay the bills. I make a ride Mercedes. I can afford the latest. Baby, ignore the ratings. Cause pull up, we pop out, we raging. You know no better. Stack my bread up. Don't get fed up. Ain't gon' let up. You told me to shut up, but I'ma do better. It's not my race. Get out my face. Drop my case. Which way? Yeah, you know no better. Say you're different. Ooh, you're kidding. Yeah, you know no better. Ooh, save that talk for the ones who don't know no better. Cause baby, I know you better. Baby, I know you better. Baby, I know you better. Major Lazer sur Fun Radio, Now Know Better. Le chiffre d'Ali. Le chiffre d'Ali. Dans Love in Fun sur Fun Radio. Est-ce que sexter, c'est tromper? Ah bah, c'est une grande question. Ah oui. Et aujourd'hui, je suis tombée sur un chiffre qui m'a choquée, parce que quand même, il y a 45% des mecs qui pensent que le fait de sexter, ce n'est pas tromper. Que tu peux draguer par message, envoyer des photos de ta teub, recevoir des photos de seins, de corps nus, mais ce n'est pas tromper. Parce que ce n'est pas physiquement de la drague. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est un bon préambule. C'est pas. Oui, non, mais. Parce que, non, mais quand on fait ça. T'es pas passé à l'acte. Désolé. Oui, bah, mais t'es pas passé à l'acte. Tu dragues quelqu'un en boîte, tu passes pas à l'acte, mais tu le dragues. C'est des photos, vos pixels, là, ça va. Non, ça mais va rien attends, dire. C'est qu'on est quelque part pas très satisfait. C'est qu'on est quand même à la recherche de quelque chose. D'une sensation, peut-être sans contact physique, mais on sait très bien ce que ça donne avec le temps. Donc la réalité est là. Si t'es en couple avec quelqu'un que tu aimes et que tu satisfais sexuellement, tu vas pas les sexter, je crois pas. Ah, tu commences à me convaincre, Doc. Bien sûr. Après, on va entendre les témoignages là de tous ceux qui veulent réagir. Clément est avec nous. Bonsoir, Clément. Salut, équipe. Salut. Clément, t'as 23 ans, t'as ici les Moulineaux, région parisienne. Ouais. 92, représente. Représente. Tout à fait. Clément, tu fais des sextos de temps en temps, toi. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec Doc, en fait. J'avais une ex et le problème qu'il y a, c'est que quand t'es parti, par exemple, 2 semaines en vacances, au final, t'as rien pendant 2 semaines et elle était pas du tout sexto. Et du coup, pendant 2 semaines, quand t'as absolument rien et que t'as la copine à côté qui, elle, veut bien, au final, tu vas pas non plus dire non alors que ta copine te donne rien, quoi. J'ai rien compris. Hein. Oh, mais attends, mais si, en gros, sa copine n'était pas là pendant 2 semaines, ouais. Et vu que sa copine, à lui, n'est pas fan de cet échange un peu hot de messages, ouais. il faisait ça, mais avec quelqu'un d'autre. Ah, d'accord. Voilà. Mais d'accord. C'est quand même un peu bizarre. Et alors, tu considères que tu as trompé ta copine en faisant ça ou pas? Pas forcément, parce que elle en pense totalement quoi? Elle a tiré la tronche, c'est sûr. Oui, donc t'es pas du tout d'accord avec Doc, en fait. Au final, pour moi, si elle avait fait ça aussi avec un autre mec, du moins elle le fait pas. Donc au final, pour moi, c'était pas forcément trompé, parce que je l'ai fait que le temps où elle soit partie avec une autre fille et que par texto, quoi. T'as été jusqu'où? T'as été genre t'envoyais quoi comme message? Parce que ça a été photo et etc. Quoi. Photo, genre t'as envoyé photo de ta tub et tout quoi. Elle m'a envoyé, non pas forcément moi, mais elle m'a pu s'envoyer des photos d'elle, oui. D'accord. Et toi, tu l'as regardé en te masturbant? Voilà. Mais tu pouvais pas attendre 2 semaines, sérieux? Non, mais c'est vrai. Non, mais après, il n'y avait rien pendant 2 semaines, on va dire. Il n'y avait vraiment rien du tout. Et alors, c'est ta copine, quoi. Elle part pendant 2 semaines. Bon, 2 semaines, c'est long. Maintenant, t'es célibataire? Oui, mais alors je suis célibataire. Ah ouais. Bizarrement, ah ouais. Bizarrement. Voilà, alors attention. Non, non, non, non, mais c'est pas elle du a tout, boudé, mais pas qu'un peu. Trompé, pas trompé, ça finira par une séparation, en fait, le truc. Hein. Non, non, c'est pas à cause de ça du tout qu'on s'est. D'accord. D'accord, Clément. En tout cas, toi, c'est un petit truc que t'as fait, voilà, et t'as pas considéré non, non, que c'était un peu. Bah, pour moi, ça a été un peu comme le porno, le temps qu'elle était pas là, quoi, limite. Ouais, bah, le t'as autant maté du porno, comme ça t'emmerdes personne, quoi. On part à Saint-Brieuc, destination la Bretagne. Il a 25 ans, c'est Maxime. Salut, salut à toute l'équipe. Salut à toi, salut. Maxime. Est-ce que t'envoies des sextos? J'en ai fait en couple, bien sûr, mais je trouve que. Moi, j'ai eu mon cas avec mon ex qui a envoyé des sextos à un homme plus âgé qu'elle et plus âgé que moi. Ouais. Et pour moi, c'est trompé, parce qu'on peut voir des choses et tout ça, je trouve que ça reste du privé. Ah, t'as vu les messages qui... T'as vu les messages? Ah oui, mais moi, à un moment, j'étais trop curieux, vas-y. Attends, je préfère qu'on me dise qu'on me quitte, qu'on me dise, ouais, bah, t'es cocu. Alors, comment t'as réagi quand t'as vu ça? Elle breton. Oh, bah, ça m'a énervé, moi. J'ai dit, bah, il y avait rupture après, au bout d'un mois, il y avait eu rupture. De toute façon, faut pas me prendre pour un con. Elle t'a donné quoi comme explication? Bah rien, elle m'avait dit, ouais, je veux voir ailleurs, j'ai envie de m'amuser. Bah casse-toi. Qu'est-ce que je suis fier de lui. Et ça se voit que c'est un breton. Putain. Bravo, hein, bravo. On s'emmerde pas avec les détails, nous. Ouais. Pas content, bah casse-toi. Bah non, mais puis, c'est quand même trompé, c'est... Bah, quand on voit ta photo de ton corps nu, c'est à ton copain ou à ton conjoint. C'est pire que de draguer en soirée, quoi. Vous m'avez convaincu. Bah, franchement, j'arrête les sextos. Mais le pire, ce qui est marrant dans les sextos, c'est que des gens, ils peuvent envoyer des sextos à des gens, mais les images, alors de revue, ça se copie, ça se colle, et puis ça s'envoie n'importe où. Hein. Et en plus, ça se trouve, c'est même pas ta retub. Absolument. Non, mais ça peut être un avertissement pour des jeunes ou des choses comme ça, qu'ils envoient des photos, et puis ça se retrouve sur le net, surtout pour les filles. C'est important. Leurs images nues sur le net, alors qu'ils ne l'ont pas voulu. Après, les sextos, c'est par téléphone, donc généralement, tu connais la personne, mais c'est vrai que sur Internet. Oui, mais il a raison. S'il capte la photo ou l'image, après, il peut la replacer. Voilà. Ah mais bien sûr, après ça sera partagé. Ne pas mettre vos têtes. Voilà, c'est ça. En gros, c'est ça. Envoyez ce que vous voulez, mettez pas votre tête. Hein, comme ça, on vous reconnaîtra pas. Et pas de tatouage, voilà, hein, qu'on pourrait reconnaître. Ingrid nous rejoint. C'est bien d'avoir une fille aussi qui réagit. Bonsoir Ingrid. Oui, salut à toute l'équipe. Parce bonsoir à tous. Bonsoir salut. Ingrid. On dirait qu'il y a que les mecs qui font des sextos alors que c'est pas vrai. Ah ouais, non, mais moi, c'était pas par rapport à ça à la base. Moi, mon copain, on n'est plus ensemble, du coup. Il y a une de ses collègues de boulot qui lui a envoyé des messages plein dans la journée et tout. Et je lui dis, fais gaffe, elle te drague, ça va mal finir. Et au final, ils ont couché ensemble et on n'est plus ensemble. Ah putain, donc elle a réussi, la fille. Ah ouais. Ouais, je lui amène la salope parce qu'elle, elle est en couple. Non, mais on est d'accord. Mais il y a quand même quelque chose qui est clair. C'est que le mec, il n'a pas dit non. Ton copain, à ce moment-là, il a quand même laissé faire. Parce que tu sais qu'on peut bloquer. Je ne supportais plus ma jalousie, en fait. Mais attends. Quand tu reçois des messages comme ça... T'es jalouse alors que l'amour avec elle, c'est un peu chelou. Quand tu reçois des messages comme ça, tu peux bloquer le correspondant, je suis désolé. Mais il ne voulait pas. Si tu ne bloques pas... Non, il ne voulait pas. Et voilà. Non, mais ce qui est dingue, c'est que ça ait continué alors que tu étais au courant. Oui. Non, mais comment t'as pu laisser passer un truc comme ça? Elle l'a pas laissé passer. Bah justement, j'ai pas laissé passer et je l'ai perdu à cause de ça parce qu'il supportait plus ma jalousie. Est-ce que tu regrettes maintenant ou pas? Ah bah je regrette de pas l'avoir défoncé la meuf, ouais, c'est clair. Ah ouais, non mais c'est tout, d'accord. Ouais, franchement, t'as rien perdu sérieusement, Ingrid, non? Bah si, parce que c'est l'homme de ma vie et je le veux lui. Ah ouais, mais là parce que tu le veux encore là? Ah oui. Mais attends, s'il est parti ailleurs... Mais j'ai quand même été célibataire à un moment donné, donc moi aussi j'ai profité et moi aussi j'ai fait des sextos. Attends, est-ce qu'il est d'accord pour revenir? Pour l'instant, on va dire, il va falloir qu'on prenne notre temps aussi. D'accord, mais sois pas maso, non, c'est toi. Mais lui, court pas après, ouais. Grave. Vraiment, on te fait pas mal. Ah bah non, maintenant, je n'envoie plus de messages. Ouais, d'accord. D'accord. Okay. Parce que souvent, on a tendance à s'accrocher parfois à quelqu'un et en fait... À une branche morte. Ouais, c'est exactement ça. Ça tombe, hein, le truc. Hein. Notre auditeur du soir, qu'est-ce qu'il en pense, Luc, à Marseille? Le problème, c'est que je suis adepte des sextos aussi, donc... Il déclare. Ça n'engage que lui d'avoir deux filles. Et en plus, en fait, ce qui t'intéresse, c'est coucher avec les filles, toi. Bah ouais, je suis jeune, je profite après. Voilà. Non, mais attends. Profiter de la vie, c'est coucher. Ouais, non, mais bien sûr. Alice. Bien sûr, mais bon, oui. Chacun voit comme il veut. Tu envoies des sextos, toi ? Bah, ça m'arrive, mais à mon mec en général. Enfin, ah oui, non, mais voilà, c'est ça. Mais sinon, non, je le fais pas. En fait, je pense que finalement, envoyer des sextos, c'est pire que de draguer quelqu'un en boîte, quoi. Mmh. Parce que t'as plus de facilité, finalement, à aller sur des terrains encore plus dangereux, comme disait Doc, que quand t'es avec quelqu'un en face à face. Je veux dire, t'envoies quand même des photos, des trucs un peu sexy. Donc, c'est vraiment un jeu dangereux, je pense. Des photos intimes, quoi. Oui, c'est ça, en plus. Parfois assez hard en plus. Non, mais bien sûr, j'en ai reçu de Doc encore hier soir. Ah, mais Doc, il lui a pas de main morte. Oh là là. Hein, il m'a harcelé jusqu'à 2h du matin et voilà ma top. Érection, voilà. Pas érection. Et ça, ah ouais, c'est avec Katoche. Ah, jamais, jamais de ma vie. Oh là là. Tu préfères avec ou sans poil, Karel? Quelle honte, faire ça. Ah, mais bien sûr. Bah, je vous montrerai. Hein, je vous montrerai. J'ai tout sur mon téléphone. Alors, on va offrir des sextoys Lelo à tout le monde. Clément, Maxime, Ingrid, vous raccrochez pas. Sextoy Lelo. D'accord. Et on vous fait des gros bisous. On termine avec des réactions sur les réseaux sociaux. Ça fait beaucoup de sextos. Ouais. Il y a Noémie qui dit « Mieux vaut flirter par message que tromper physiquement. » Et Sophia, mon ex, avait des relations virtuelles avec 5 filles en même temps. Du coup, bah, je l'ai quitté. Ah ouais, non mais 5 filles, quoi. Ouais, relations virtuelles, quoi. Bah, c'est ça. En plus, tu ça reste une relation. Finalement, il y a des gens qui ont ce genre de relation qui est uniquement virtuelle. Donc, et pourtant, ils sont quand même bien en couple. Exactement. Continuez en tout cas de réagir, commenter là sur les réseaux sociaux justement, on en parle. Le Facebook, le Twitter, le Snapchat. Et Enzo nous rejoint. Il est lui aussi à Marseille. Bonsoir Enzo. Salut, salut l'équipe. Ça va, va Enzo, tu es en train de courir là peut-être. C'est ça, c'est ça. D'accord. Ok. Donc t'as décidé de faire de la radio avec nous ce soir en faisant un marathon. C'est ça, exactement. Ok, tout à fait. Alors tu te diriges vers où là, Enzo ? Pardon ? Tu nous appelles pourquoi, Enzo ? En fait, j'ai un petit souci, c'est quand je couche avec ma copine, je pense à un ami à moi. D'accord, tu penses à quelqu'un d'autre. Et il paraît qu'il y en a plein qui pensent à quelqu'un d'autre pour fantasme sur quelqu'un d'autre pour être excité, quoi. Oui. On en parle dans un instant. JD in the morning, c'est maintenant sur Fun Radio. Vous écoutez Love in Fun. I'll buy you a drink. 6 in the morning, I'll take you back to my crib. I'll teach you things, baby, teach you things. Show you every move and make you reach for things. I'll teach you things, baby, teach you things in the morning. Now it's late in the morning, time for you to leave. I ain't looking for a ring, cause I got what I want and I got what I need. I'll teach you things, baby, teach you things. Show you every move and make you reach for things. I'll teach you things, baby, teach you things in the morning. To my crib. I'll teach you things, baby, teach you things. Show you every move and make you reach for things. I'll teach you things, baby, teach you things in the morning. I got what I want. I'm looking for a ring 'cause I got what I want. I'm looking for. Creed sur Fun Radio in the morning. 20h-22h Love in Fun sur Fun Radio. Et attention, c'est chaud hein. Moi j'avais mal compris hein. Enzo est avec nous, il a 19 ans de Marseille. Bonsoir Enzo. Salut à toi Enzo. Alors vas-y, raconte. En fait, j'ai un petit souci, c'est quand je couche avec ma copine, je suis obligé de penser à un ami à moi. Un copain. Un ami. Donc, mec. Tu penses à un mec. Un copain. Ah ouais, putain. C'est ça. Bon, wow. On est d'accord, lorsque tu as une relation sexuelle, il faut aussi de l'excitation. Alors au début, surtout les très jeunes, bon, c'est très facile parce qu'ils ont pas envie d'avoir une relation sexuelle. Oh mon Dieu ! Et puis voilà, et arrivé à un certain temps, il faut qu'il y ait aussi le moteur, qui est la libido et qui, effectivement, est largement nourri par les fantasmes. Or toi, si tu ne penses pas à ton copain, t'as pas d'excitation, c'est ce que tu veux dire. Il a une copine, Doc, il pense à un mec. Oui, non, mais j'ai bien compris. Ah ouais. Quand tu ne penses pas à ton copain, est-ce que tu perds ton érection ? Oui, des fois je perds l'érection si je pense à un copain. Donc t'as plus envie avec elle, quoi. J'ai plus envie, non, ça me coupe. Ah ouais, non, c'est chaud. Et en plus, c'est peut-être un copain. Et pourtant... Oui, bien sûr. Oui, enfin, c'est pas la grande passion. Oui, je l'aime, oui. Ouais, non, mais attends, c'est surtout que t'es peut-être, excuse-moi, enfin, je sais pas, homosexuel. Après, j'ai jamais été attiré par les hommes, à part ce collègue-là. Après, c'est qui ce collègue ? Parce que là, je comprends pas très bien. C'est-à-dire, dans la rue, en général, qu'est-ce qui t'intéresse ? C'est les filles ? Tu les regardes ou au contraire les garçons ? Ah oui, bien sûr, c'est les filles, oui. C'est pour ça que je suis avec ma copine, donc c'est les filles qui m'intéressent. D'accord. Et là, depuis quelques temps, c'est ce collègue-là qui m'attire. Et quel genre de relation t'as avec lui en ce moment ? On est au foot ensemble. Ah oui ? On est au foot ensemble. Dans les Les deux, dans les douches, ouais. Depuis qu'on prend les douches ensemble, il est quand même des clés pour moi. Est-ce qu'effectivement, vous vous regardez bizarrement ou est-ce qu'il y a même des gestes ou des tentatives de gestes ? Non, il n'y a pas eu de gestes encore, mais c'est vrai qu'il y a des regards. La savonnette, elle est déjà tombée à terre. La savonnette, non. Non, elle n'est pas encore tombée. Alors, je vais être très clair. Tu es sous la douche, tu es avec lui, il s'approche de toi, il a des gestes à connotation sexuelle. Tu bandes. Qu'est-ce que tu fais ? Tu te laisses faire ou tu dis non ? Ah, je sais pas. Franchement, là, je pourrais pas dire, mais... Je pourrais pas dire. Mais s'il se rapproche à toi, tu penses que tu pourrais bander ? Ça se peut, oui. Alors, en plus, c'est assez mécanique chez nous, hein, je vais te dire. Ouais, c'est mécanique. Donc, oui, je pense pourrais bander, oui. Ben non, lui, il a une copine aussi. D'accord. Oui, bon. On va tester un truc, les gars. Je ne sais pas, c'est voir, c'est un peu dangereux, tu trouves pas ? Petite branlette entre potes. Ouais. C'est quand même assez bizarre, c'est pour ça. Moi, je pense que tu es très perturbé. C'est pour ça que j'appelle, quoi. Mais bien sûr, oui, non, ça peut être un fantasme, mais là, c'est très, très, à dire, il n'y a qu'une direction, il n'y a qu'une personne, donc c'est un peu répétitif, ce fantasme extrêmement répétitif. Oui, voilà, parce que ça a pris... Les fantasmes, en général, sont très variés, donc il peut y avoir effectivement différentes scènes imaginées, mais là, c'est très, on a l'impression que tu fixes sur ce garçon, et que c'est quand ça, tu dis à la douche avec lui, tu as une excitation. Bref, en tout cas, c'est bon. Sinon, une petite solution, il imprime une photo de son pote, il le colle sur le visage de sa copine, en plein axe, comme ça, il a la motivation. Elle va adorer. Même plus besoin d'y penser, il sera devant toi. Je sais pas s'il faut que je lui dise ou quoi. Il se pose quand même plein de questions. Là, Pense qu'il faut que tu règles ton problème. Parce que là, je me pose beaucoup de questions, c'est pour ça. Bien sûr. D'accord. Fais tomber la savonnette pour voir quand même. Je pense que... je ne sais pas où vous en êtes dans votre relation, parce qu'on n'a pas parlé de votre sexualité. Est-ce que votre sexualité est riche ? Est-ce que tu fais un peu d'efforts ? Est-ce que vous avez des gestes érotiques ? De varier un petit peu ou pas ? Ou c'est vraiment très... Bien sûr. Non, c'est pas monotone, non, franchement. C'est un truc chelou que tu as remarqué. Tu as limite besoin d'y penser pour jouir. C'est ça. J'ai besoin d'y penser pour bander, parce que sinon, des fois, je débande direct. J'ai une solution, c'est déjà, t'arrêtes de prendre des douches avec ton copain, parce qu'il va se passer ce qui va se passer, c'est-à-dire que, soit, effectivement, vous allez avoir des gestes, c'est évident, je le sens, que tu vas le passer à l'acte, bien sûr. Mais il faut peut-être passer par là, Doc, pour savoir et pour se rendre compte, non ? Mais pourtant, il n'y a aucun garçon qui m'attire à part lui, quoi, Qu'est-ce qu'il a ? Il est comment, lui, pour t'attirer comme ça ? Après, il fait 1m90, il est assez baraque. Ouais. Et il est assez bien membré, quoi. Ah ouais, il a une grosse tub, en plus. Ouais, en plus. Tu la prendras bien dans ta bouche. Non, mais il faut dire les choses, hein. Nous, on dit les choses. Non, mais c'est vrai, voilà, une petite top pipe comme ça. Je pense qu'il faut vraiment que tu règles ton problème. Il faut savoir ce que tu veux dans la vie. Ouais. Si tu ne sais pas où tu en es, ne continue pas avec ta copine. Votre sexualité est en train de. Voilà. Il faut que tu en parles avec elle, peut-être, oui. Pourquoi pas, en disant que maintenant, t'es peut-être pas obligé de lui raconter tout de suite l'histoire du mec. Mais c'est chaud de lui dire quand même. Bah, si, qu'il a moins envie, c'est une réalité. Ouais. Et surtout, voilà, arrête, c'est pas la peine de continuer à tricher. Peut-être que... Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Ça fait 6 mois. 6 mois, oui, c'est un peu récent. Donc, visiblement, il y a une usure très rapide. Ouais, c'est ça. C'est pas bon signe, hein, Enzo, on va pas te le cacher, mais après, soit fini. T'en penses quoi, toi, Alice? Bah, moi, je pense qu'à partir du moment où t'es attiré par un pénis bien membré, et quand je pense qu'il faut se poser des questions. Ouais. Ah oui. Tu vois, je pense que si ça fait partie de tes critères d'attirance par rapport à ce mec-là, finalement, c'est la deuxième chose que t'as sortie quand même, c'est la taille de sa teub. Voilà. Donc, oui, je me poserai des questions. Mais parce que le fantasme homosexuel, les garçons dans la réalité n'ont pas d'attirance homosexuelle. C'est ça la grande différence. Toi, c'est au stade de l'attirance. Ouais. Donc ça peut basculer à tout moment, Enzo. Ouais, ça peut basculer, ouais. Épargne ta copine. Après. Surtout. Et prépare ton anus. Ben, je vais. On ne sait jamais. Attends, il faut prendre des précautions. Mais d'abord sa copine et après on verra pour l'anus. Hein. À bientôt, Enzo. Ouais, allez, merci. Salut, Enzo. Tiens, ben, quand tu veux. Et Joris nous rejoint sur Fun Radio. Il a 17 ans, il est de Paris. Bonsoir, Joris. Salut, Doug. Salut. Salut. Joris, t'appelles pourquoi? Alors en fait, moi je voudrais avoir des techniques pour tenir une branlette longtemps. Pour se masturber longtemps. C'est un sujet intéressant qu'on n'aborde pas assez. Il a raison. Dans le développement du plaisir, pourquoi pas? Tu sais quoi, Joris, c'est une bonne question. Ouais, voilà. Bravo. Bravo, Joris. Ah ouais. Tu restes avec nous. Oh oui! Oh, la parodie! La parodie car elle est fragile. C'était demandé ce soir, on l'écoutera. Rejoins les fragiles, on te fait les bons tuyaux. Restez avec nous, c'est la Vin Fun. Suivez-nous sur Facebook, la page Love in Fun. La radio numéro 1 sur les nouveautés, c'est Fun Radio. Fun. Dead Eid. The Chainsmokers et Luan. Edia. Hi, it's Jonas Blue on Fun Radio. La radio qui joue le plus de nouveautés. C'est Fun Radio. Le son dance floor. Salut, c'est Marion et Enzo. Vous voulez devenir le youtubeur de demain? Alors participez au grand casting Ta vie puissance Yop. Postez vos vidéos et faites voter vos potes. Les 10 meilleurs participeront au show final sur la scène du Trianon avec les youtubeurs Tonio Life, Théo Gordy et Shake Up. Rendez-vous sur yop.fr et conditions aussi sur yop.fr. Fun Radio présente le premier festival 100% électro du Sud-Ouest. Summer Sound Festival. Du 3 au 6 août à la Corderie Royale de Rochefort. Retrouvez sur scène les plus grands DJ. Martin Solveig, Don Diablo, Afrojack, Cashmere, Dylan Francis, Madeon, Felix J, Lumberjack et plein d'autres. Et le dimanche 6 août, Party Fun Live exceptionnel avec Florian Picasso, Henri PFR, Damien Hendrix, Klossmann, Adrien Thomas et Maeva Carter. Let's make some noise. Infos et réservations, point de vente habituel. Summersound.fr et funradio.fr. Summer Sound Festival avec Fun Radio. Le son dance floor. Retrouvez toutes les fréquences de Fun Radio, Fun Radio. Sur funradio.fr. Fun Radio, c'est ça. Fun Radio. Le son dance floor. Seul face à mes erreurs, je ne compte plus les heures. J'ai peur de devenir fou, fou, fou. Even if it's some things I can do for you, I'll make it up right away. making me, you're making me. I can't live without you, hey. You're making me fall. You're making me drown. You're making me. Appelez Doc, Karel et Alice. Love and Fun. 20h, 22h. Love and Fun. Fun Radio. Une émission différente tous les soirs, vous avez des réponses, hein. Venez poser des questions, nous parler de votre vie, nous dire comment ça se passe, si vous avez des interrogations, vous voulez nous parler d'un petit malaise qu'il y a chez vous, vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas, 01 42 48 5000. Enzo, par exemple, est avec nous, pas du tout, c'est Joris qui est avec nous, et lui, il a besoin d'aide, justement. Bonsoir, Joris. Ouais, salut, Karel. Salut. Salut. Alors, Joris, t'as besoin d'aide, pourquoi, toi? Alors, j'aurais besoin d'aide donc, pour avoir des techniques pour tenir plus longtemps lorsque je me branle. D'accord. Ça, c'est une bonne question parce que c'est vrai que les garçons qui se masturbent très souvent n'ont qu'une fin, c'est l'orgasme, mais ils vont très vite. Mmh. Et qu'en fait, dans le rapport sexuel, il y a effectivement du plaisir et il faudrait que les garçons apprennent un peu plus à justement cultiver ce plateau de plaisir. Tu veux dire avant de jouir, en fait? Oui, dans le partage, parce que d'abord, c'est important pour les filles et puis qu'il y a beaucoup de choses à faire pour avoir du plaisir avec son partenaire. Et que l'orgasme un peu trop rapide donne beaucoup d'insatisfaction de part et d'autre. Il ne s'agit pas d'aller non plus, de durer des heures et des heures, comme dans les films porno. Mais voilà, on peut très bien apprendre à maintenir. Parce qu'il y a aussi l'écoute de l'autre qui est très important. Donner du plaisir à l'autre, c'est effectivement attendre, en tout cas pour les filles, pour les garçons, d'attendre que la fille ait eu un orgasme. Parce qu'une fois que le mec a eu son orgasme, il est un peu... Mais en apprenant à se masturber et en prenant son temps, on peut aussi améliorer la durée de la pénétration avec sa nana, en fait. C'est ça. Hein. Oui, exactement. Tout à fait. D'apprendre à cultiver cette phase de plaisir. Voilà. Joris, pourquoi tu veux des petites techniques comme ça, là? C'est pour faire des concours? Alors, en fait, justement, avec des potes. Dans le téléphone, Joris. Mais je parle dans le téléphone. Avec des potes, donc on fait un concours. Ouais. Et il y en a un, donc, il a réussi à tenir 3h15. Moi, je voulais participer au concours en essayant de tenir au minimum 5h. Mais il est nul, votre concours. Nous, c'est à l'inverse. C'était celui qui jouissait le plus rapidement qui gagnait. Ouais, c'est vrai. Il avait le droit à son Kinder Bueno. Non, mais... Joris... Comme dans la pub. Ah ouais, absolument. Et non, mais Joris, c'est vous gagnez quoi? Je sais pas, mais on a prévu des lots. On a prévu... que celui qui tient le moins longtemps ait un gage. Non mais moi je trouve ça horrible, c'est-à-dire que vous êtes comme ça en train de vous regarder, l'autre il se branle pendant 3h15. Putain, sans déconner. Non, vous mais parlez après, de quoi, philosophie, religion? Ouais, c'est non, ça, ouais. C'est un putain, chacun tu fait chez soi, en fait. Hein? Chacun fait chez soi. Ah, chacun fait plus, oui. Tu peux mentir. Non, il faut se réunir. Il y a quand même, dans la masturbation aussi, il y a un effet d'irritation. Quand tu frottes la peau en permanence pendant 3 heures, ça finit par... Ça croûte, bien sûr, le truc. Non, mais bien sûr. Voilà. T'as raison de le dire, Doc. Non, mais moi, quand j'étais adolescent, en période extrême de branlette, genre 5-6 fois par jour, à la fin, j'avais mal à la table, quoi. Ouais, c'est vrai. T'as raison de le souligner. Joris, t'as mal à la table, là? Non, ça va. Ah bah, tu dures pas assez longtemps, mon pote. C'est pour ça. Alors, si tu veux des techniques, essaie d'alterner main droite, main gauche. Parce que c'est vrai... La main gauche, finalement, c'est une main qu'on utilise un petit peu moins. Enfin, je sais pas si t'es droitier ou gaucher. Je suis droitier. Eh ben, tu verras qu'en utilisant la main gauche, déjà, t'auras l'impression que c'est ta voisine qui le fait. Et en plus, ouais, c'est bizarre. Donc, tu dures plus longtemps, je pense. Je sais pas. Après, j'ose pas demander à Alice. De quoi? Non, mais est-ce que tu as déjà fait des masturbations, Alice? Oui, bien sûr. Et est-ce que tu as l'impression d'avoir le pouvoir sur l'éjaculation? Ah bah oui. Oui, bien sûr. Bah carrément. De toute façon, on le sent quand vous avez envie, vous avez un surplus d'excitation, de plaisir. C'est dur à dire. L'excitation, hein. D'excitation, bien sûr. Et au final, oui, on le sent carrément. Et je pense que c'est en variant le rythme, en des fois faisant des petites pauses, mais pas non plus la pause qui vient tout casser. Mais voilà, je pense qu'on peut gérer ça, ouais. Il y a des techniques, Doc, oui. Avec le périnée, c'est ça, non? Pour peut-être. Jouir moins vite, non? Est-ce qu'il y a des trucs qui mais, permettent... Mais déjà, il faut déjà se détendre énormément. Être dans... Les gens qui sont stressés, qui font ça entre deux, qui n'ont pas appris à se détendre dans un rapport sexuel, sont dans de mauvaises conditions pour avoir un vrai plaisir bien partagé. Donc déjà, c'est première étape, se détendre un maximum. T'arrives à tenir combien de temps, toi, Doc? Des heures et des heures. Peu incroyable. Importe, le problème n'est pas là. Un des siècles, moi. Je suis sûr. Oui, bien sûr. J'ai tenu des années entières. Ouais. C'est ça, les mecs. Ouais. Toujours la main dans la poche, tu sais. Hein, ah bah, écoute. Mais je crois que c'est ça un peu. Mais je pense qu'avant tout, un rapport sexuel, ça se partage. Il n'y a pas de normes. Est-ce qu'il faut tenir tant ou tant? Il faut que chacun arrive à un plaisir maximum. Et je dis encore, je le répète, c'est effectivement dans la tendance, c'est les jeux érotiques, dans la capacité à inventer, à innover dans les jeux érotiques, que le plaisir devient intense et aboutit à un orgasme satisfaisant. Mais pour ça, il faut être en forme et pas trop fatigué non plus et pas stressé. Ouais. Ah, donc, conclusion, Joris, mange 5 fruits et légumes tous les jours. Hein, et tu verras que tu vas améliorer tes performances. D'accord, Joris? D'accord, ok, c'est noté. Salut. On embrasse tous tes amis branleurs, là. Salut à eux. Ouais, on les embrasse fort. Ah, bah oui, bien sûr. Salut, Joris. Dans un instant, salut. Anaïs. Anaïs, t'es là d'ailleurs, Anaïs? Coucou. Salut. Salut. Anaïs, t'as 20 ans, t'es à Tours. On va parler de quoi avec toi? C'est ça. Ben, moi, je me pose des questions sur la taille de mes auréoles et de mes tétons. D'accord. Ah oui. Ok, restez avec nous. C'est ce qui nous attend dans un instant. En attendant, à la demande générale, vous avez été nombreux à vouloir l'écouter. Ah voici oui. Carrel et les fragiles, abdominaux, la parodie. Pour être bon l'été, faut des abdominaux. Dépêche-toi, c'est bientôt juillet. Pour être bon l'été, faut des abdominaux. Il faut toutes les faire tomber. Dépêche-toi, t'as 3 mois. Ton cœur doit bosser, stop le chômage. N'écoute pas cette fille-là. Dans quelques mois, t'inquiète, elle te voudra. Pas jolie, jolie. La graisse t'a accumulée. Pas jolie, jolie, jolie. La graisse t'a accumulée. Pour être bon l'été, faut des abdominaux. Faire 100 pompes par jour, non c'est pas de tout repos. Fais cet été chez cœur, ne prends dans le sac à dos. Rejoins les fragiles, on te file les bons tuyaux. Mets ton corps au sol, sol, sol. Et fais-moi quelques pompes, ne t'arrête pas. Mets ton corps au sol, sol, sol. Fais du gainage, t'auras un ventre plat. Mets ton corps au sol. Saint-Tropez, comment tu crois que tu vas faire? Si t'as pas trouvé ta moitié, allez man, mets tes baskets et une bouteille dans un sac. On va soulever des haltères ou bien courir près d'un lac. Pas jolie, jolie, la graisse t'a accumulé. Pas jolie, jolie, jolie, la graisse t'a accumulé. Un fragile, ça n'a jamais échoué. Même Alice n'a pas pu résister. Toutes les filles viendront succomber. T'as la peau qui pèle, mets une crème sur ton nez. Dis pourquoi tu restes là. Viens avec moi faire un spa. Je dois me faire bouiller une résoie. Rien à mettre, je vais chez Zara. Pour être bon l'été, faut des abdominaux. Faire 100 pompes par jour, non c'est pas de tout repos. Fais cet été chez cœur de prod dans le sac à dos. Rejoins les fragiles, on te file les bons tuyaux. Mets ton corps au sol, sol, sol. Et fais-moi quelques pompes, ne t'arrête pas. Mets ton corps au sol, sol, sol. Fais du gainage, t'auras un ventre plat. Mets ton corps au sol, sol, sol. Karel featuring les fragiles abdominaux, la parodie Love in Fun. 20h, 22h. Love in Fun. Sur Fun Radio. Et on va accueillir Anaïs qui est avec nous. Anaïs a 20 ans, elle nous appelle de Tours. Bonsoir Anaïs. Bonsoir tout le monde. Salut. Salut. Bonsoir Anaïs, sois la bienvenue sur Fun Radio. Alors vas-y, raconte-nous là, tu te poses des questions il paraît, sur quoi? Ouais, c'est ça, sur la taille de mes auréoles et de mes tétons. Oui. Parce que je les trouve vachement grands, enfin vachement gros. Oui, bien sûr, oui. Mais les auréoles, c'est le mamelon en fait. Oui. Oui, voilà le mamelon. Oui. Il y a d'accord. Un petit téton et les mamelons autour qui peut être très pigmenté. Et c'est ce qui donne cette apparence, mais c'est tout à fait physiologique. Il n'y a rien d'anormal là-dedans. Et si t'as des. Voilà. tu comprends, en fait, c'est parce qu'en fait, le sein d'une femme, c'est fait pour allaiter, t'es d'accord? Ouais. Pas que le plaisir, même si certains le croient. Donc, il faut forcément que tout ça soit d'une bonne taille, ça aide le bébé. Un tout petit peu. Ah ouais. Ça se développe. Ouais, mais là, c'est genre grand, comme, enfin, si je mets mon index, ça fait tout mon index, quoi. Oui, c'est possible, ouais, pourquoi pas, mais c'est pas gênant. Ouais, c'est sympa, ça, dis donc. Ce n'est pas une anomalie. Ah bah, Alice regarde, d'ailleurs. J'ai mon index sur ma poitrine. Et je sais pas si j'ai une petite poitrine ou des grands doigts, mais non, ça, non. Non, donc t'as une taille de mamelon assez importante en fait, ouais. Anaïs. Et c'est un complexe pour toi ou pas? Ça peut se faire peut-être. Je trouve ça bizarre. Enfin, je sais pas. Je trouve ça dégueulasse, quoi. Non, voilà. C'est pas ni dégueulasse ni bizarre. Demande une photo. Et voilà, c'est. Demande une photo. Oui, bien sûr, oui. Il y a Karel qui te demande une photo. Ah bah non, mais c'est justement pour que Doc puisse évaluer le problème. Oui, je oui, pense. Bah, montre-nous bien sur sûr. Une photo. Oui, pourquoi pas. Oui, après tout. Non, attends, on est tout le temps en train de demander les couilles de tout le monde là. J'ai une petite bosse sur ma couille. C'est moi qui vais les recevoir et voilà. Je lui répondrai moi. Non mais voilà, Anaïs. Non, voilà. Mais si vraiment pour toi c'est un problème. Mais bon, c'est vrai. Si tu veux vraiment qu'on regarde, on va regarder. Je vais regarder. Bravo. Je te dirai si vraiment c'est anormal. Mais sûr, je ne crois pas du tout. Nous sommes des professionnels, c'est important de le préciser. On ne fait pas ça pour le plaisir, on fait ça pour vous aider vraiment. Eh bien sûr. Anaïs, regardez tes seins, franchement, ça m'embête. Luc tu ne les verras pas de toute façon. Luc à Marseille, est-ce que toi... Dommage. Oui. Ouais. Quoi? Vas-y. Non, vas-y, je vais finir, vas-y. Commence d'abord. Ouais, je disais, c'est dommage qu'elle habite à Tours, parce que, tu vois, le gros téton, c'est un peu mon délire. D'accord, donc, ok. je m'attendais à un délire. Donc, on résume Luc, hein. Il a deux meufs, il fait des sextos dans tous les sens à d'autres nanas, et il a envie d'inviter Anaïs pour ses gros seins. Voilà, tout à fait. D'accord, c'est ce qu'on appelle un gros cutard. Hein, c'est Luc. Clair. Mais non. C'est vrai. Ça t'intéresse, Anaïs, ça? Non, pas trop, non. Ouais, c'est pas un râteau direct. C'est ce qu'on appelle un échec. Non mais Luc, sérieusement, est-ce que c'est important pour toi, sur une poitrine qui est pas des mamelons trop gros, parce que tu vois, pour Anaïs, c'est un complexe. Ben moi, franchement, les seins, tout ça, c'est pas trop mon, enfin, c'est mon délire, mais sans plus. Mais après, si elle a pas trop de seins ou des gros tétons ou il a un truc bizarre et qu'elle a un bon cul, c'est bon. D'ailleurs, j'en profite. Il y a une poésie, ah bah, d'une finesse. S'emmerde pas. C'est un grand lover. Si, en dehors de ton sexe, tu penses à quoi dans la vie? Je bosse, je suis commercial, donc. Ah oui, voilà, d'accord. Oui. Voilà. Alors, Cindy dans l'équipe, on a vu ses noix de coco il y a pas longtemps. Hein, ouais, non mais c'est vrai. Gros mamelon. Hein. Elle portait un t-shirt et tout machin. Non mais on voit Cindy que tu as une belle paire de seins. Ah ouais, très belle. Et est-ce que toi, enfin je. Est-ce que t'as des gros mamelons? Non, bah ils sont normaux, quoi. Ce qui s'appelle l'aréole mamelonnaire. C'est ce qu'il y a. Ah oui, l'aréole mamelonnaire. Ce qui est mamelonnaire. Mamelonnaire. Mamelon. Mamelon. Il me regarde avec détresse, genre. La mamelonite. Non, ils sont tout à fait normaux. C'est vrai. Ouvre-le. Voilà. Non mais je vous assure, ce que tu me dis, ça existe sur les bonnes poitrines, c'est normal. D'accord. Voilà. Je te le dis comme tu le. Voilà. Mais c'est normal aussi que tu te poses des questions comme ça. Ne regarde pas trop de porno parce qu'il y a aussi les filles qui sont un petit peu, pas forcément qui te ressemblent, ce qui ne veut pas dire que c'est la norme. Il n'y a pas de norme de toute façon. Non. Je veux dire, entre les couleurs, la taille, je veux dire, c'est tellement différent, donc tu t'en fous, franchement. Voilà. Anaïs, en tout cas, une opération est toujours possible si jamais... Ah non, pas là-dessus. Ah bon? Ah bon, non. Oh, la fausse joie. D'accord. Non, on peut rien faire. Il n'y a aucun espoir. C'est la taille de la poitrine, oui, mais pas le mamelon. Tu touches pas le mamelon. Ok, d'accord. Bon, voilà, il n'y a pas de solution. Tu mets du fond de teint autour, comme ça tu réduis un petit peu la taille. Ok, ça